أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في الأسئلة جويبة إن شاء الله تعالى، كالعادة نذكر يعني بعض الأحاديث الجديدة إن شاء الله تعالى من صحيح الجامع، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في الأسئلة والأجوبة. Avant de passer aux questions et réponses, comme c'était prévu hier, Inch'Allah Ta'ala, on commence d'abord par quelques hadiths. Ensuite, yani après, ce sera le tour des questions et des réponses, Inch'Allah Ta'ala. Ce que vous étiez en train d'écouter, bien sûr, c'était un dars de Jumwa, la prière du vendredi, c'est-à-dire la première partie de la khutbah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عارض. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith bon, un hadith hasan, un hadith bon, il a dit en ce sens, yani je donne une traduction à peu près, il a dit si quelqu'un vient yani pour demander par exemple la main de votre fille par exemple, et ce bon homme, celui qui vient, il a les deux qualités. Il a le khuluqahu, yani il a un bon caractère, etc. L'akhlaq, wa din, wa lahu din, yani insan, yani yakhaf min Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., qui fait les prières en l'heure, quelqu'un qui ne fait pas les gros péchés, etc. Fazouijouh, mariez-le. Ida atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazouijouh. Mariez-le. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم تفعلوا فماذا يحدث؟ فإن النساء يبقين من غير زواج. لماذا؟ لأنكم تردون الخطاب، ولا سيما الذين تتوفر فيهم الشروط. وأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي هنا بالدين، حتى زاد ماذا؟ حتى زاد الخلق. سبحان الله. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يكون دينهم كاملا، لا يكون دينهم كاملا، فيكون عندهم دين لكن يكونون مثلا سيئي الأخلاق، وهذا يحدث كثيرا. ترى بعض المسلمين عندهم دين، عندهم صلاة، عندهم زكاة، عندهم كذا، لكن في الأخلاق، وتجد لحيته طويلة جدا، لكن في الأخلاق، في الأخلاق هو أبعد ما يكون عن ماذا؟ أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال من ترضون خلقه ودينه. Donc on remarque que premièrement, d'abord, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a ordonné, si on peut dire, que si quelqu'un vient nous demander par exemple la main de notre sœur ou bien de notre fille, et qu'il joue entre deux choses, il joue entre il est pieux par exemple et en même temps il a un bon caractère. Pourquoi? Parce que des fois quelqu'un est pieux, il fait la prière à l'heure, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas les grands péchés, etc., mais il n'a pas un bon caractère, il a un caractère yani, on souhaite pas qu'il, on peut même pas rester avec lui 5 minutes, subhanallah al-azim. Et pourtant on trouve peut-être qu'il a une longue barbe, et pourtant de caractère il est très loin du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a? Il a seulement le côté yani piété, le côté prière, etc. Alors le prophète alayhi sallam a dit s'il joue entre les deux, donc yani, ça ne suffit pas qu'il soit seulement pieux, mais encore faut-il qu'il soit aussi yani, qu'il ait un caractère, un bon caractère. Si vous ne le faites pas, il la tef'alou, si vous ne le mariez pas, yani, ça va être vous allez causer de gros problèmes, parce que lui il va pas se marier, et la fille elle va pas se marier, ensuite quand il n'y a pas le mariage, bien sûr, il y a les péchés, etc. C'est pour ça que quand quelqu'un vient nous demander la main et qu'il joue entre les deux, en principe, on doit le marier afin d'éviter les problèmes. وقلت وفي هذا الوقت قلت مع الأسف يعني كثير من الناس لا يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آله وسلم تجد ملتزما ويلازم المسجد وكذا لكن في أخلاقه ما زال يكذب وما زال يعني يغش وما زال يعني ما زال يحتاج إلى ماذا إلى تصفية وإلى يحتاج إلى تربية أيضا كما je disais même de nos jours يعني beaucoup de gens sont يعني, en l'apparence de, d'un pieu, etc. Mais le caractère, il monte, ils ne sont pas bien éduqués, si je puis dire. Ils ne sont pas bien éduqués. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris l'islam global. Il a pris de l'islam des choses seulement. Il a pris la prière, ou il a pris la zakat, il a pris le hajj, et il ne s'est pas occupé des autres choses, mal asaf. Alors que l'islam, c'est global et c'est complet. On ne prend pas une chose on laisse autre chose. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واسوة حسنة فتقتدي به في كل شيء في صلاته كيف كان يزكي كيف كان ثم في اخلاقه في هديه ظاهرا وباطنا وهكذا ليس فقط في الجانب الديني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال عفوا وهنا قبل أن أنسى ولهذا يجوز للمرأة إذا كان زوجها مثلا إذا كان زوجها سيء الأخلاق جدا وكانت تخاف أن لا تعطيه حقوقه يجوز لها بطبيعة الحال أن تطلب الفصل إذا كانت تعلم أنها لا تستطيع أن تعيش معه لماذا لأخلاقه السيئة جدا. C'est pour ça qu'il est permis à la femme, quand elle sait qu'elle vit avec quelqu'un qui a un très très très mauvais caractère, et qu'elle a peur de ne pas lui donner, ses droits, elle peut, quoi, elle peut demander la séparation, comme a fait Bintou, comment il s'appelle, Zoujet Thabit, la femme de Thabit, radiallahu ta'ala anha. Certains disent elle s'appelait Maryam, d'autres disent Jamila. Là, elle est venue, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la a'tibu ala thabit yani shay'an fi dinihi wa la khuluqihi innama akrahu al-kufr ba'd al-islam faqala dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fatalaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min thabit an yaqbala hadiqatahu innahu yani a'taha hadiqa فطلب منه أن يقبل أن ترجع له حديقته فأرجعت له حديقته التي كانت هي المهر وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قالت إني أكره الكفر بعد الإسلام الكفر بعد الإسلام أي كفر العشير أكره أن أعيش معه ولا أستطيع أن أعطيه حقوقه أنا لا أعتب عليه شيء لا في الأخلاق ولا في الدين لكن أعرف أني لا أستطيع أن أعيش معه فأرجعت إليه حديقته وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم cette femme est venue et elle a dit je peux pas vivre avec celui-là pourtant je ne me plains pas ni de sa religion ni de son caractère. Il avait un bon caractère mais j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. J'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé si elle lui rend son jardin comme dot. Il lui avait donné comme dot yani hadiqa, je crois que c'est un jardin. Bien sûr elle a dit je lui rends. Il a demandé à son mari d'accepter qu'elle lui rende la dot et ils ont fait ce qu'on appelle le khula. Et le mari اذا اختلعت لسبب شرعي فانه جائز وإذا اختلعت لغير سبب تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات هن المنافقات حديث صحيح. إذا اختلعت طلبة الخلع من زوجها لعذر شرعي فإنه جائز مثل ما فعلت هذه المرأة تعلم أنها لا تستطيع أن تعطيه حقوقه لكن إذا فعلت من غير سبب هكذا تريد يعني تبدل الرجال استبدل الرجل بالرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات هن المنافقات donc la femme si elle peut pas vivre avec son mari elle sait qu'elle ne va pas lui donner ses devoirs ou ses droits si elle vit avec lui elle peut comme j'ai dit demander au juge etc de faire ce qu'on appelle le khula je ne sais pas comment ça s'appelle en français elle lui rend la dot et ils se séparent donc les ulama ont dit si elle se sépare pour une cause qui est acceptée une cause plausible c'est permis mais si elle se sépare sans aucune cause ou bien une cause qui n'est pas valable là elle rentre dans un autre hadith qui est un hadith sahih dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن المختلعات هن المنافقات. Je sais pas comment on dit المختلعات, mais celles qui rendent la dot pour se séparer. Elle lui rend la dot pour qu'elle se sépare avec lui. Il a dit إن المختلعات هن المنافقات. Ce sont elles les hypocrites. Il n'y a pas d'autres hypocrites. Ce sont elles. Pourquoi? Elle veut se séparer sans aucune excuse valable, mais seulement peut-être pour changer d'homme ou je ne sais pas pourquoi. Celle-là, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait qu'elle devienne elle rentre dans le hadith, elle devient une hypocrite ou la yadu billah. Ensuite, hadith al-yom, inshallah ta'ala, يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رقم 355 إذا استحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهم على الآخر ويتبادل السلام حديث حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إذا استحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهم على الآخر ويتبادل السلام هذا حديث عظيم وأكثر المسلمين بطبيعة الحال يفرطون فيه إما لجهلهم به وإما لتقصيرهم في ماذا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والائتمار بأوامره سواء كانت على جهة الند أو جهة الوجوب كما لا يخفى donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith en ce sens il a dit quand deux musulmans par exemple se rencontrent par exemple ils sont en train de marcher ensuite il y a par exemple un arbre qui va les séparer hein, ils vont passer il y a un arbre bon quelqu'un va aller à droite et l'autre à gauche à cause de l'arbre il a dit un arbre ou bien par exemple un caillou un grand caillou ou bien un rocher par exemple au madar ou bien par exemple une tente ou là une maison ou là un poteau quelque chose qui va nous séparer il a dit فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمْ عَلَى الْأَخَرِ quand on rencontre on se rencontre la deuxième fois après avoir dépassé l'arbre ou le rocher ou le poteau qu'est-ce qu'on fait on dit salamu alaykum une deuxième fois on dit salamu alaykum une deuxième fois alors que nous les gens chez nous par exemple s'il dit salamu alaykum une fois peut-être il ne va pas le répéter tant qu'il est avec toi il ne va pas le répéter toute la journée alors que le prophète nous montre que tu sors de la cuisine à l'autre endroit ensuite tu reviens tu dis salam alaikum quand tu rencontres cette personne là yani, quand tu marches dans la rue à cause de rien du tout on se sépare pour une seconde et si on se rencontre on dit encore salam alaikum wa rahmatullah c'est dire que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose que si vous allez la faire vous allez vous aimer on a dit quoi il a dit أبشو السلام فيما بينكم أبشو السلام فيما بينكم فهذا السلام هذا لما تقول وتفشيه أنت وتلقي على الآخرين يكون سببا في جعل القلوب ترتبط بعضها ببعض وجعل الألفة بين المسلمين وهو هم جدا جدا جدا وانت تلاحظ لو تمر على انسان مثلا او يمر عليك انسان ولا يقول لك السلام عليكم تشعر بشيء في قلبك او تقول انت السلام ولا يرد عليك تشعر بشيء في قلبك لكن اذا القى عليك السلام تشعر براحة في قلبك وبنوع من المحبة نحو هذا الانسان اذا دونك يعني دير بوكو السلام عليكم C'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas dire salam alaykum seulement lorsque yani une fois seulement lorsqu'on se rencontre, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous sépare, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous sépare, on dit wa alaykum salam yani on dit salam alaykum et l'autre dit wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a daraja en al-Albani al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah يقول حتى المؤذن سبحان الله العظيم, يقول المؤذن وهو في أثناء أذانه, المؤذن وهو في أثناء أذانه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا دخلت أنت وقلت السلام عليكم عليه فإنه يقطع الأذان ويسلم عليك, يقطع الأذان يقول وعليكم السلام ورحمة الله ثم يتم حي على الصلاة حي على الصلاة. سبحان الله العظيم. J'ai dit le dire salam aux gens, c'est important au point que Cheikh Al-Albani Ali Rahmatullah a dit fils Silsila Sahiha dans son livre Silsila Sahiha, je ne sais pas, tome 1 ou 2, j'ai oublié, ça fait peut-être 20 ans que je l'ai lu. Il a dit quand même le celui qui appelle à la prière, s'il est par exemple en train d'appeler à la prière, ensuite par exemple tu rentres à la mosquée, tu dis salam alaikum et il n'y a personne d'autre qui répond, il n'y a que lui par exemple à la mosquée, il s'arrête de l'appel à la prière, il te rend, il te dit wa alaykum salam wa rahmatullah, ensuite il termine l'appel à la prière, c'est dire que salam alaykum hada, c'est très très très important. Il a daraja aidan kama la khalikum an al wahid idha kana fi salat, idha kana fi salat wa dakhala insanun al masjid wa qala salam alaykum wa kana mathalan aidan wahdah wa laysa fihi man yaruddu alayhi salam fa innahu كما جاء في الحديث الصحيح يشير بيده, يعني لا يقول السلام عليكم إنما يشير بيده. وزاد الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال ويشير برأسه أيضا إذا كان ماذا, إذا كان لا يرى يد الذي يرد السلام, لأن طارة إذا كان من وراء لا يرى يد الذي يرد السلام فيشير إذن برأسه حتى يعلم أنه رد عليه السلام. Je disais que c'est aussi important que, au point que si on rentre par exemple à la mosquée ou bien on rentre à la maison, par exemple je rentre à la maison, je trouve ma femme en train de faire la prière, je lui dis salam alaikum. Même elle est dans la prière, je lui dis salam alaikum. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me rend avec la main, comme on l'a dit déjà une fois, elle lève la main parallèlement par terre, comme ça, elle est tendue, ça veut dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Cheikh Al-Albani a ajouté, si on ne peut pas voir sa main, par exemple, elle est dans un endroit où on ne peut pas voir sa main, celui qui rend, on ne peut pas voir sa main, il fait un hochement avec la tête. Il fait bouger la tête de haut en bas pour dire que voilà, je t'ai entendu et je t'ai répondu. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. حديث صحيح 356. إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith, il a dit si quelqu'un par exemple était en voyage par exemple et qu'il venait, par exemple chez lui, il a dit qu'il n'aille pas chez lui la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas la nuit, et même quand il revenait de voyage, il ne revenait pas la nuit, et s'il venait à revenir la nuit, il n'allait pas chez lui. Idan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam يعني بين لنا هذه السنة وهذا الهدي أن الإنسان إذا كان مثلا مسافرا فإنه إذا وصل بالليل قال لا يطرق أهله ليلا, لا يطرقهم ليلا, إنما يبيت في مكان ثاني. لكن هذا قد يتغير الآن. لماذا؟ إذا نظرنا إلى العلة, ما هي العلة مثلا؟ العلة هي أنه إذا دخل عليهم ليلا, وصل بالليل ودخل, وكان في الغالب في أول الأمر كانت ليست هناك طرق لإعلام الأهل بوصوله مثلا, فإذا وصل ليلا قد يجدهم في حالة تجعل قلبه ينفر مثلا من أهله, يجدها مثلا في بأثواب لا يحبها وفي هيئة لا يحبها وفي كذا, لأنها هي لم تكن تعلم أنه سيأتي, فقال الأفضل أن لا يطرق أهله. لكن الآن والله تعالى أعلم, بما أن الإنسان استطاع بسهولة أن يخبر مثلا أهله عن قدومه, في الحين التليفون وفي الانترنت وفي أمور كثيرة يستطيع أن يخبرهم مثلا في النهار, قال مثلا أصل اليوم الساعة مثلا 10 ليلا, فهذا إن شاء الله تعالى لا يكون في حرج, من باب أن الحكم يختلف ماذا, يختلف مع العلة وجودا وعدما, وهنا العلة تكون انتفت والله تعالى A'lam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, quand on vient la nuit, on ne va pas chez soi à cause de, peut-être qu'on trouve une autre femme, parce qu'elle ne sait pas qu'on va arriver, on la trouve dans un état qui va nous la faire détester, peut-être on va la haïr parce qu'on est rentré comme ça en retard, sans qu'elle sache, elle est dans des vêtements qu'on n'aime pas, elle est dans une elle a les cheveux comme ça en l'air, elle a, pourquoi elle ne s'est pas préparée, elle ne savait pas qu'il allait venir, et c'est surtout la nuit, elle dit je suis seule, c'est-à-dire c'est pas la peine de m'entretenir. Alors il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام حفاظا على على هذه العلاقة الزوجية, afin que l'union reste toujours solide, il a dit préférence qu'il passe la nuit ailleurs. Mais comme de nos jours, alhamdoulilah, il y a le téléphone par exemple, il y a l'internet, les relations existent. Il peut par exemple maintenant téléphoner. Téléphone par exemple à midi, il dit par exemple j'arrive la nuit, mais il téléphone à 5 heures du soir et il va dire j'arrive la nuit. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est d'avertir avant de rentrer à la maison, d'avertir que je vais arriver. Voilà une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plusieurs gens qui n'appliquent pas la sunna ou bien qui ne la connaissent pas rentrent dans beaucoup de problèmes sans qu'ils le sachent, bien sûr. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعم السلام عليكم تفضل الشيخ تفضل رياض فيه صوت رياض فيه صوت خلاص ما في مشكلة إن شاء الله تعالى ما في مشكلة لحظة بس لحظة إن شاء الله تعالى Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ وقال في الثاني الذي بعده إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء أخانا غابلي بولونفير إذا فيه إن شاء الله ينقطع صوت الله أخبرني جزاك الله خيرا إذا فيه صوت ينقطع الله أخبرني جزاك الله تعالى عنا خيرا Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit si quelqu'un touche par exemple avec sa main son sexe qu'il fasse les ablutions dans le premier hadith dans le deuxième derrière lui il a dit إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه si quelqu'un touche avec sa main son sexe et qu'il n'y a pas entre lui et entre son sexe par exemple un vêtement bien quelque chose il doit faire les ablutions les petites ablutions طبيعة الحال في أحاديث أخرى مطلقة إنه من مس فرجه فليتوضأ فيه أحاديث أخرى تقول يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك يعني ما يحتاج إلى وضوء والعلماء يجمعون بين هذا في هذا الملخص الذي سأذكره لكم إن شاء الله تعالى هو أن الإنسان إذا مس فرجه ووجد حائل بينه وبين فرجه ليس فيه مشكل أولا ثانيا إذا مس فرجه دون حائل ننظر هل مسه بشهوة أم لم يمسه بشهوة إذا مسه بشهوة يعيد الوضوء كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله وإذا مسه بغير شهوة لا يعيد الوضوء وأما الشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله يذهبان إلى الاستحباب مطلقا إلى أنه في كل الحالات مستحب أن ماذا أنه يعيد الوضوء لكن قول الألباني الذي ذكرته إن شاء الله تعالى أحق وهو ماذا هو أنه إذا مسه بشهوة يعيد الوضوء يتوضأ إذا مسه من غير شهوة لا يتوضأ وكذلك إذا مس بحائل بينه فهذا لا يتوضأ donc les ulama ont beaucoup divergé sur quand on touche cet endroit je donne la conclusion si on touche cet endroit il y a entre cet endroit et notre main il y a un vêtement où il y a par exemple des vêtements intérieurs etc ça n'annule pas les ablutions les petites ablutions Mais maintenant, si on touche directement, directement, femme ou homme, bien sûr, et que il n'y a pas de vêtements, on touche avec notre main. Cheikh Al-Albani a dit, si on touche sans qu'on sente quelque chose dans notre cœur, yani sans tentation, sans shahwa, ce qu'on appelle shahwa, sans tentation, c'est pas la peine de faire les ablutions, ça n'annule pas. Si on touche avec les tentations, avec tentation, ça annule. Ça annule. Voilà en ce qui concerne lorsque quelqu'un touche yani cet endroit-là, on a fait la différence entre quand il touche, s'il y a d'abord un vêtement, ça n'annule pas. Et deuxièmement, s'il n'y a rien, on voit est-ce qu'il y a la shahwa ou bien il n'y a pas la shahwa. S'il y a, on doit faire les ablutions, ça annule. S'il n'y a pas, on ne doit pas faire les ablutions, ce n'est pas obligé, car ça n'annule pas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم bien sûr ceux qui ne comprennent pas quelque chose ou là ils ont quelque chose à ajouter ou là à questionner ou là quand on termine bien sûr ils pourront inshallah ta'ala poser leurs questions. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا حديث صحيح عن ابي هريره وهو في مختصر مسلم الشيخ الالباني ايضا. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا والصحابة فلم يحتاج الله عز وجل إلى أن يجبر هذا الأمر إلى أن يعني فلا يحتاج إلى إيمان في إيمان الصحابة إلى أن يعني يكرمهم بالرؤى كثرة الرؤى إنما لما يعني إن درست النبوة وذهب العلم ويعني قرب زمان قرب يعني آخر الساعة قربة الساعة يعني آخر العالم فيحتاج الله عز وجل يعين عباده المسلمين بأن ماذا بأن يعني يريهم بعض الرؤى التي تسليهم كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. إذن يعني إذا اقترب يعني آخر الزمان فإن الرؤيا تصبح ماذا لا تخطي تصبح إذا رأى شيئا المؤمن في الغالب يقع ذلك الشيء على وفق ما رآه. دونك لو بروفيت عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith il a dit quand la fin du monde approchera, yani lorsque le musulman verra quelque chose dans le rêve, bien dans le songe, je ne sais pas si c'est la même chose ou il y a une différence entre le rêve ou le songe, je ne sais pas. Il dit, si le musulman verra quelque chose ou voit quelque chose dans le rêve, yani la plupart du temps, ça s'exaucera. Ça sera, yani ce qu'il aura vu dans le rêve, il le verra en réalité. Il le verra en réalité. Parce que vous devez tous savoir, Inch'Allah Ta'ala, ça vous le savez, que quand quelqu'un voit quelque chose dans le rêve, quelque chose bien sûr qui fait plaisir, etc., quelque chose qui nous rend content, etc., ça, c'est d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il donne cela, bien sûr, pas à tous les musulmans, mais à ceux qui sont pieux. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayat ad-dunya. Ils ont yani al-bushra hadi ou la je sais pas comment on dit en français al-bushra yani ils ont al-bushra de toute façon al-bushra le prophète alayhi salam l'a expliqué dans un hadith sahih. Il a dit al-bushra ici dans ce verset c'est ce qu'il voit dans le rêve. C'est le rêve, le beau rêve, le beau songe, lorsqu'il le voit, le musulman, ou bien un autre musulman le voit à sa place. Parce que des fois, par exemple, on est à d'ablution majeure. On est avec la janaba. Avec la janaba, on ne va pas voir un songe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'on va voir quelque chose du diable. Alors, il est possible que quelqu'un d'autre voit à ma place, ensuite lorsqu'il me rencontre, il va me dire je t'ai vu dans le rêve, tu étais en train de prier, tu es parti au hajj, tu as fait la umrah, etc. Donc pourquoi? Parce que ou bien c'est moi qui vois, ou bien c'est quelqu'un qui voit à ma place. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. إذا أردت أن يكون الذي تراه في المنام يقع فيما بعد على الحقيقة يقع فعليك بالصدق، فإنه مفتاح هذا الأمر. إذا أردت تصبح إذا رأيت شيئا في المنام إن شاء الله تعالى يقع كما رأيته فعليك بالصدق، وابتعد ما استطعت عن ماذا؟ عن الكاذب. ولهذا قال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، c'est-à-dire plus on n'est pas menteur hein, plus lorsqu'on parle on ne ment pas, plus nos rêves qu'on va voir vont être يعني, véridiques et ils vont s'exaucer. Subhanallah l'alim. Plus on ne ment pas, plus nos rêves vont être véridiques et ils vont pas s'exaucer, et ils vont s'exaucer. Donc plus le contraire, ça veut dire plus on ment lorsqu'on parle avec des gens, plus on est menteur, plus on ne voit pas de vrais rêves. On voit des choses comme ça de la nuit, mais des choses qui ne s'exaucent pas. Pourquoi? À cause de le mensonge et le contraire du mensonge. Je sais pas comment ça s'appelle. Sidqa. Plus il y a de mensonges, plus on ne voit pas. Et plus on n'est pas, on est sadiq, on ne ment pas, et plus on voit inshallah ta'ala, on voit quoi? On voit les choses et elles se réalisent. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر صدقه وطبيعة الحال كان قلبه منورا، فكان إذا رأى شيء في المنام الرؤية في المنام إلا جاءت كفلق الصبح. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا في المنام رؤية في المنام إلا وأتى كفلق الصبح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الكذب على الإطلاق. لم يكن أحد أصدق منه، صادق الأمين، لم يكن أحد أصدق منه. لهذا كانت رؤاه دائما تقع ماذا؟ تقع كفلق الصبح. Et vous remarquez que le prophète صلى الله عليه وسلم puisqu'il ne montait jamais dans sa vie, il ne montait de mentir, il ne montait jamais dans sa vie. C'est pourquoi chaque fois qu'il voyait quelque chose dans le songe, elle ne tardait pas à s'exaucer. Elle ne tardait pas à s'exaucer. Dans tous les cas, elle s'exaucait. Pourquoi? C'est parce que c'est comme je viens de dire, plus on ne ment pas, plus nos songes deviennent vrais. Et vous devez tous savoir, ou bien on le laisse pour la prochaine fois, inshallah ta'ala, que le rêve se divise en trois parties. Il y a le rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le rêve qui vient du diable, et il y a le rêve qui vient de nous. C'est-à-dire, nous, on se parle à soi-même. Et on voit quelque chose la nuit. ولهذا كلكم تعرفون أن الرؤى تنقسم إلى ثلاث أقسام: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من النفس. وسنذكر تركت هذا الأمر لأنه سيأتي الحديث المفصل لهذا الأمر في بابه إن شاء الله تعالى. J'ai pas voulu parler de ça maintenant parce que ensuite viendra le hadith. Donc on l'expliquera إن شاء الله تعالى quand il viendra en son temps. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quand on est par exemple à la mosquée, ensuite la prière va commencer. Le muezzin il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'il dise qad qamat salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Quand il commence à dire cela, toute personne, aucune personne n'a droit de commencer une nouvelle prière. Hein. On entend par exemple, on entend Had al-Iqama et je vais dire, Khali, je vais faire deux rak'a très vite. C'est interdit. Pire que ça, quand on est dans la salat, on sort. Si on est dans une salat, en train de faire par exemple la nafila, ensuite on écoute Had al-Iqama, on doit quitter la nafila. Et on doit sortir pour rentrer avec la salat, la prière de l'imam, celle que va guider l'imam. Donc, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu une fois, alors que la prière allait commencer, il a vu quelqu'un en train de faire la prière. Pardon, avant cela, je vais dire autre chose. Sauf bien sûr, s'il ne reste qu'un petit peu de la salat. Par exemple, on est en train de faire la prière, on est au teshahud. Khalas, on est au teshahud. Tahiyatullah, zakiyatullah. Thumma, on écoute l'iqam. Allahu akbar, qad qamat salat, qad qamat. Là, on peut terminer très vite. On peut terminer très vite le teshahud pour entrer dans la salat avec l'imam. Mais si on, par exemple, il reste une raka'a ou bien il reste deux raka'a ou bien, on doit quitter et on doit sortir. On n'a pas le droit de faire une salat alors que l'imam a commencé sa prière obligatoire ou bien qu'il va la commencer. Idan la yajuzu li ahad an yashra'a fi salatin jadida idha sami'a al-iqama bal la yajuzu lahu hatta an yutimma salatahu idha kana fiha idha kana fi salat nafila la budda an yakhruja minha liyaltahiqa bi salat al-imam li'annahu la salata إلا المكتوبة وفي رواية ضعيفة إلا التي أقيمت هذه رواية ضعيفة عند الدارقطني إلا التي أقيمت إذن لابد أن يخرج من الصلاة من صلاته النافلة يلتحق بصلاة الإمام إلا إذا كان لم يبقى له من صلاته إلا شيء قليل مثلا التشهد هذا يعني يتمه بسرعة ويلتحق بالإمام أما إذا كان بقي مثلا ركعة فأكثر فلا يستطيع لابد أن يخرج من هذه الصلاة ليدخل في الصلاة مع الإمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء وقال وإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء هذا ذكرناه بالأمس إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء Si vous entendez l'iqama Allahu Akbar, Allahu Akbar ensuite qad qamat salat et que quelqu'un veut aller aux toilettes, qu'il commence par les toilettes. Il commence pas par la salat. Ensuite, il a dit, ida uqimat salat, si vous entendez l'iqama, wa il y a le manger qui est prêt, commencez par le manger. Wa hadar al-hasha, l'hasha, le manger maintenant il est prêt, on l'a servi. Wa il y a en même temps l'Aïcha, il y a Salat l'Aïcha. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par Salat l'Aïcha ou on commence par l'Aïcha? On commence par l'Aïcha, le manger. Pourquoi? Parce que en général, comme règle générale, on ne rentre pas dans une Salat quand on n'a pas notre tête avec nous. Quand notre cœur n'est pas avec nous, c'est pas la peine de rentrer dans la Salat. Il vaut mieux commencer par les toilettes, se vider, et ensuite faire la prière seule, plutôt que de rentrer avec la Jama'a et yani trembler dans la salat et dire ouf quand est-ce qu'il termine, etc. Tout ça, ce n'est pas possible. Au point que les ulémas ont dit, si même tu es dans la salat, tu quittes. Je suis dans la salat, ensuite je sens que mon ventre me fait mal et je sens que je dois aller aux toilettes, sinon, je vais faire quelque chose. Alors là, je suis obligé de sortir parce que on fait la salat pour le khushu'a. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Mais si tu rentres dans la salat pour ne pas savoir ce que tu dis ou ce que tu fais, pour être pressé, peut-être même dans ton cœur tu commences à insulter l'imam, pourquoi il a fait tout ça alors que je dois aller aux toilettes, alors il vaut mieux sortir et aller aux toilettes, ensuite venir faire la prière ou bien à la maison avec les gens ou bien seul. Et bien sûr Allah Azza wa Jalla te donnera le ajr, inshallah, le bienfait complet. Pourquoi? Parce que ce qui t'est venu, ce n'est pas de toi, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala la cause, le sabab, l'udr, min indillah subhanahu wa ta'ala wa lisa min indik. Quand tu as dit, les ulama qalu yaqta' salatahu min ajli idha kana yadfa'u al-akhbatan kama fi al-hadith sahih la salat bi hadr ta'am wa la wa huwa yadfa'u al-akhbatan al-bawl wal-gha'id idha kana yadfa'ani al-insan ta la yadri madha yaqul fal-afdal بل صلاة الواجب أن يخرج من صلاته ويذهب يقضي حاجته ثم يصلي وله إن شاء الله تعالى الأجر الكامل لأن العذر لم يأتي من قبله إنما من قبل الله سبحانه وتعالى وكذلك في الأكل إذا même chose en ce qui concerne le manger quand on sait qu'on peut tenir hein, je peux ne pas manger aller faire ma prière et revenir bien sûr ça c'est mieux mais quand je sais que j'ai une grande faim et que si je vais faire la prière, depuis que je dis Allahu Akbar, je ne vois entre mes yeux que les poulets et la viande, là c'est pas la peine d'aller. Il vaut mieux que je reste pour manger. Sinon, je ne suis pas dans la prière. Je ne suis pas dans la prière. C'est pour ça que les ulama ont dit, tu remplis ton ventre, il vaut mieux que tu manges. Tu remplis ton ventre pour vider ton cœur. Tu remplis, pas remplir ton ventre, pourquoi ? Pour vider ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas Allah et au poule. Allah subhanahu wa ta'ala, vide ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mange, mange. Mais si tu sais que tu, comme je viens de dire, tu sais que tu peux te retenir, là on va faire la prière et on revient inshallah ta'ala. ولهذا قال العلماء من الحكمة أنه ماذا لماذا تأكل قبل الصلاة قال من قالوا من الحكمة أن تملأ بطنك عفوا بطنك أن تملأ بطنك لتفرغ قلبك نعم لتفرغ قلبك لله عز وجل وإلا إذا ذهبت هكذا وانت في حال جوع شديد فإن الإنسان يعني هذه الصلاة تتنافى مع الخشوع يعني كل المنافاة ولا يفكر في الصلاة أبدا إنما هو يفكر فقط في الأكل وفي الشيء الذي تركه في البيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها سبحان الله العظيم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها حديث 379 وحديث صحيح حديث هو حديث صحيح le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith si quelqu'un mange إذا كلا أحدكم طعاما si quelqu'un mange par exemple un repas ou quelque chose il n'essuie pas sa main avec la serviette avant que il ne suce ses doigts ou bien qu'il les fasse sucer il ne suce ses doigts ou qu'il les fasse في ما هي العلة في حديث آخر قال فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة أنت لا تدري في أي طعام تكون البركة ممكن البركة موجودة الحين على الأصابع فإذا أنت مسحت ذهبت البركة مع ماذا ذهبت مع المنديل لكن إذا لاحظت يعني أصابعك يعني تلعقها تجعل أصابعك في فمك لا سيما إذا كان الأكل هذا مثلا أكل كيف يسمى أكل مارق مثلا أكل مارق إذا كان مثلا مثل تأكل بالملعقة مثلا تأكل سميه الطعام ولا الكسكس هذا ولا هذا ما تستطيع تلعق الأصابع لكن إذا كان مثلا شيء تأكله بيدك وفيه مارق يعني تغمس هكذا بالخبز وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتممت قبل أن تبدأ بالمنديل تلعق أصابعك تجعل أصابعك في فمك أو تلعقها قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله مثلا يكون عندك مثلا ابن صغير مثلا بجنبك تعطيه إصبعك يلعقه هكذا وتلعب معه في نفس الوقت donc le prophète عليه الصلاة والسلام a montré pourquoi avant d'essuyer on suce ses doigts pourquoi ou bien on y fait sucer الشيخ الألباني a dit par exemple on a un enfant avec nous un petit enfant par exemple on lui donne notre doigt par exemple il le suce et en même temps on joue avec lui il a dit pourquoi il a dit parce que la baraka a dit que Allah Azza wa Jal fait descendre dans les repas si tu suces pas tes mains toi tu sais pas où elle est peut-être qu'elle va partir avec la serviette mais si tu suces ta main elle va rentrer dans ton ventre et bien sûr la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle rentre dans le ventre premièrement c'est une guérison etc et puis on plus vite on se sent rassasié et puis ça y a beaucoup de choses bien sûr de nos jours beaucoup de gens de nos jours bien sûr beaucoup de gens qui ont une foi très faible ne vont pas croire en cela peut-être qu'ils vont même rire mais bien sûr nous on dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et on montre aux gens celui qui peut faire ou qui veut faire qu'il fasse celui qui peut pas ou qui veut pas Yani il a dit ça revient à lui et il est libre de toute façon et quand le prophète Ali a dit cela c'est bien sûr quand il mange quelque chose où il y a de la sauce, il mange avec sa main quand par exemple ici au Koweït par exemple je n'ai jamais dans ma vie vu quelqu'un manger avec une cuillère toujours il mange avec la main comme ça comme en Arabie Saoudite etc donc quand on mange comme ça directement avec sa main et que c'est quelque chose qui a de la sauce le prophète Ali a dit quand tu termines tu suces comme ça tes doigts ensuite tu essuies ou bien si tu veux te laver les mains tu te laves وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقول بسم الله على أوله وآخره. وفي رواية بسم الله في أوله وآخره. وفي رواية بسم الله أوله وآخره. كلها رواية صحيحة. إذن المفروض لما يبدأ يقول بسم الله بسم الله، لكن تارة ينسى، تارة ينسى. فإذا نسي حيثما يتذكر يقول في وسط الطعام مثلا أو قبل أن يتم، ماذا يقول؟ يقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله أو آخره وآخره عفوا، أو بسم الله على أوله وعلى آخره. وسمعت بعض الناس ويقولون يعني إن الشيطان إذا قلت هذا الكلام إن الشيطان يتقيأ ما أكل، وهذا ليس بحديث صحيح. أنبه الحديث هذا تاع الشيطان أنه يتقيأ ليس بحديث صحيح. إذن السنة كما قلت إذا تذكر الإنسان أثناء في أثناء الطعام يقول بسم الله على أوله وعلى آخره. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré, nous montre que quand quelqu'un il mange, bien sûr, avant de commencer, il dit بسم الله. Mais des fois il oublie. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit si tu te rappelles en plein manger, en plein milieu ou là avant de finir ou là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis بسم الله على أوله وآخره. Tu dis pas بسم الله. Tu dis بسم الله على أوله وآخره. بسم الله يعني pour le début, pour la fin. Ou bien tu dis بسم الله أوله وآخره. Ou bien بسم الله في أوله وآخره. Tout ça c'est valable pour les trois. Ce sont des hadiths sahih. Donc voilà comment on fait quand on oublie de dire بسم الله. Et certains disent que quand tu dis cela, le diable va vomir ce qu'il a mangé. Moi je dis qu'il n'y a pas un hadith sahih qui dit cela. Beaucoup de gens disent cela, mais il n'y a pas un hadith sahih qui dit que le diable va vomir. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث هذا، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله، وفي رواية ويأخذ بشماله. هذا قلناه مرة، قلنا المؤمن يفعل الأمور الشريفة بيده والأمور الأخرى يفعلها باليسار. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ، لما تأخذ الشيء عن إنسان يعطيك شيئا تأخذه بيمينك، وإذا أعطيته تعطيه بيمينك. لماذا؟ قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله، وفي رواية أخرى ويأخذ بشماله. ونحن أمرنا بأن نخالف الشيطان وبأن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا قرآن. فإذا وفقته وأكلت بالشمال وشربت بالشمال وأعطيت بالشمال وأخذت بالشمال يفرح كثيرا، يفرح ويقول هذا صديقي يفعل مثلي، هذا صديقي يقتدي بي، هذا ليس عدوا لي، هذا صديقي. فلابد إذن ماذا؟ أنا لما قلت يقول هذا صديقي ليس هذا حديثا أقول لكم يعني من عندي أقول هذا، لكن يفرح كثيرا. لماذا؟ لأنك لم تخالفه، لأنك لم تخالفه، والموافقة تزيد في ماذا؟ تزيد في المحبة كما لا يخفى عليكم. أما في الأكل والشرب فالأمر إن شاء الله تعالى هين، لكن كثيرا من الناس في الأخذ والعطاء لا يبالون، يعطي بالشمال ويأخذ بالشمال. فليحذر الإنسان ويحاول أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك ما ترك ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك، وأن يجاهد في إحياء السنة، فيكون عند الله عز وجل يكتب من المجاهدين. لأن ليس المجاهد فقط الذي يأخذ السلاح، بل الذي يجاهد لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تختفي وتدرس حتى تصبح مهجورة وغير معروفة عند الناس. donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit si quelqu'un mange qu'il mange avec sa droite et qu'il boive avec sa droite et qu'il donne avec sa droite et qu'il prenne avec sa droite, car le diable mange avec la gauche et boit avec la gauche et donne avec la gauche et prend avec la gauche. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran inna shaytana lakum adou, le diable est un ennemi pour vous, prenez-le ennemi. faites de sorte qu'il soit votre ennemi. Alors mon ennemi, je ne veux pas faire comme il fait lui. Je veux faire le contraire de ce qu'il fait. Alors comment pour faire prendre le diable comme ennemi, ça veut dire lui il mange avec la gauche, moi je mange avec la droite. Lui il boit avec la gauche, moi je bois avec la droite. Lui quand il donne quelque chose, il donne un stylo à quelqu'un, il le donne avec la gauche. Moi je donne avec la droite. Lui quand il prend un livre, il le prend avec la gauche, moi je le prends avec la droite. Et tout ça, l'islam c'est ces petites choses, ensuite ça donne une montagne, ça s'appelle l'islam. C'est une chose sur une chose, une petite chose sur une petite, ça devient une grande montagne. Et bien sûr, comme je venais de dire en arabe, même nous quand on fait cela pour faire revivre, yani nuhyir, pour faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que Allah azzawajal nous écrive chez lui comme il nous écrit, yani comme un grand mujahid. Car le mujahid, c'est pas celui qui fait la guerre sainte, celle-là aussi c'est une grande guerre. C'est une grande guerre que tu fais avec le diable. Une grande guerre que tu fais, tu vas faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été oublié, ignoré, et dont personne ne lui donne d'importance. Surtout dans ce monde où on vit maintenant, yani ce siècle là, où les gens, comme je disais toujours, ils rient de nous, etc. Moi, dans ce temps, où la sunna n'existe plus, ou bien yani elle n'est plus apparente, ou bien la plupart des gens ne la connaissent pas, moi je vais la faire revivre. Alors là, bien sûr, j'aurai de grands, grands bienfaits demain lorsque je rencontrerai Allah Azza wa Jal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera aussi très, très content. Pourquoi ? Parce que tu as fait revivre des choses que lui a ordonné de dire, de faire, pardon, ordonné pas, yani un devoir, yani faqat mustahab, mais que les gens, la plupart des gens ne savent pas et qu'ils ont délaissé. Allah Azza wa Jal en yu'inana ala dhalik. Thumma qala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إذا التقى الختانان وغابت حشفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام سأرجع إلى الحديث الآخر إن شاء الله إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, lorsque vous faites la prière derrière l'imam et quand il termine le Fatiha, il va dire quoi? Il va dire Amin. Il a dit, vous aussi dites Amin derrière lui. Pourquoi? قال فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Lorsque tu dis toi Amin, il y a des anges aussi qui font la prière avec nous, et qui lorsqu'ils entendent l'imam dire Amin, ils vont dire eux aussi Amin. Allah Azza wa Jalla a fait de sorte, toi tu les entends pas, mais quand tu dis Amin, si ton Amin va être dit en même temps que le Amin des anges, ton Amin avec le Amin des anges vont commencer les deux à la même fois et vont se terminer les deux à la même fois. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il va faire? Kaffara anka, comme a dit le hadith, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla va t'essuyer ce que tu as fait, yani auparavant ce que tu avais fait comme péché. Juste pourquoi? Pour avoir dit Amin hala en même temps que les anges, alors que toi tu les entends pas, bien sûr, mais toi tu dis et tu ne sais pas. Peut-être tu vas le dire en même temps, peut-être tu vas pas le dire. Si tu le dis en même temps, Allah Azza wa Jalla va t'enlever tous les péchés que tu avais fait auparavant. Dhan hada fadl min Allah Azza wa Jalla kabir annu madha annu al-insan idha wafaqa ta'minuhu ta'min malaika alladhina yusalluna ma'ana wa nahnu la narahum wa la nasma'uhum lamma yu'minun wa hum yaquluna amin aydan malaika idha sallat wara al-imam إذا قال آمين تقول آمين فإذا قلت أنت آمين ووافق قولك آمين قولهم آمين يعني كان في نفس الوقت الله عز وجل من فضله أنه يحابيك بأن يغفر لك ذنوبك. وقد اختلف العلماء ما المقصود بالذنوب هنا، هل كل الذنوب بما فيها الكبائر أم الصغائر فقط؟ والأكثر على أنه الصغائر فقط، لورود حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن كفارة، يعني أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني لما تصلي صلاة الظهر مثلا ثم تصلي العصر، فهاتان صلاتان يعني تكفر عنك كل الذنوب التي فعلت بين الظهر والعصر إذا اجتنبت الكبائر. قال العلماء إذا كانت الصلاة المفروضة فرض لا تكفر إلا الصغائر، فمن باب أولى أن السنة فقط لا تكفر الكبائر، والله تعالى أعلم. Donc les ulama ont divergé sur le point de Allah Azza wa Jal va t'annuler tous les péchés. Est-ce qu'il annule les petits péchés ou bien aussi les grands? Et je crois, Allah Ta'ala alam, que le plus juste c'est de dire les petits péchés, pas aussi les grands. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith sahih qui dit que quand on fait une prière obligatoire, ensuite on passe à la deuxième obligatoire, par exemple on fait le dhor, après on va faire le asr, bien sûr on s'entend. Tous les péchés qu'on a fait entre le dhuhr et le asr, ils vont être annulés à condition qu'on n'ait pas fait de grands péchés. Voilà ce que dit le hadith. Si tu fais par exemple le dhuhr, ensuite tu vas faire le asr, Allah Azza wa Jalla va t'annuler tous les péchés que tu as fait entre le dhuhr et le asr à condition que tu n'aies pas fait de grands péchés, comme tuer quelqu'un ou la boire de l'alcool ou la... tout ça c'est les grands péchés. Ça s'annule pas avec la prière. Donc les ulama ont dit si la prière qui est obligatoire n'annule pas les grands péchés, comment le fait de dire Amin, qui n'est pas une obligation, c'est seulement une sunnah, va-t-elle annuler les grands péchés? C'est pour ça qu'ils ont dit Allahu ta'ala alam, que ça annule seulement les petits péchés. Allahu alam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث الحديث هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث صحيح عن أبي هريرة. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith, un hadith sahih bien sûr, il se trouve aussi dans Riyad Salihin et dans Sahih al-Jami', il est au numéro 408. Il a dit si la femme ou bien l'épouse dort, il a battu le mara hajira, elle dort loin de son époux. Loin de son époux, ça veut dire il veut dire par là que elle veut pas par exemple le laisser par exemple faire ce qu'il veut. Elle va par exemple dans une autre chambre et elle va dormir. Il a dit la anat al malaika, les anges vont la maudire jusqu'à ce que se lève le jour. Du moment où elle n'a pas voulu faire cela, où elle est allée dans notre chambre, et les anges commencent à dire la anat Allah alik jusqu'à ce que le jour se lève. Hada idan fi mada فيه ترهيب عظيم للمرأة وبيان ماذا؟ وبيان أن هجرها للفراش هذا يعد من الذنوب الكبار، يعد من الذنوب الكبار. وفيه أيضا فائدة أيضا أخرى، وهي أن المرأة تعين، من شأنها أنها تعين زوجها بأن تمكنه من نفسها، وليس بأن تهجره، بل تعينه. لماذا؟ لأن الرجل أيضا ضعيف، وفي الإسلام ليس له إلا زوجته، فإذا منعته هي فلم يبقى له إذن من حل إلا اقتراف الزنا والعياذ بالله، أو إذا كان مؤمنا تقيا لم يبقى له إلا الصبر، وهو صعب، وهو لم يتزوج إلا لهذا الغرض أيضا. فإذا كان واجبا عليها أن ماذا؟ أن تمكنه من نفسها وأن لا تهجره، وإلا باتت الملائكة تلعنها. وفي فائدة أخرى أيضا، ما هي؟ هي كيف أن الله عز وجل يحب عبده المؤمن، وكيف أنه إذا أغضبته زوجته قيد الله له سبحانه عز وجل ملائكة تدافع عنه سبحان الله، وتلعن هذه المرأة حتى ترجع أو حتى يطلع الفجر. كيف الله عز وجل كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيقيد ملائكة خاصة بماذا؟ خاصة بلعن هذه المرأة والعياذ بالله. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que chaque femme qui يعني s'éloigne de son mari, et par exemple surtout si elle va dormir dans une autre chambre, que les anges, ou bien un ange, ici il a dit les anges vont la maudire jusqu'au matin, sauf si elle revient vers son mari, et donc c'est une preuve que cet éloignement est un grand péché, car sinon les anges ne vont pas maudire quelqu'un pour avoir délaissé ou ne pas avoir fait par exemple une petite sunna, mais ils vont dire à quelqu'un la'natullah alik, parce que quoi, parce que tu as fait un grand péché. Si c'est un petit péché, les anges ne vont pas dire cela, bien sûr. Et les ulama ont dit voilà comment que Allah Azza wa Jal aime yani ses créatures, au point que lorsqu'il voit l'époux Hala, lorsqu'il le voit dans ce problème, Allah Azza wa Jal le défend et il envoie des anges spécialement pour maudire cette femme qui a enfreint à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a transgressé les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait ce grand péché de ne pas laisser son mari s'approcher d'elle. مع الأسف يعني الناس يفعلون هذا كثيرا في زمننا، حتى تجد حتى بعض الأخوات المستقيمات نحسبهن كذلك ويفعلن هذا مع الأسف، لأنهن ممكن ضعيفات الإيمان أو لأنهن لا يعرفن هذا الحديث، لكن هذا أمر مستبعد. لكن لما تكون التقوى ضعيفة في القلب وهي لا تعلم أنها إن ماتت في تلك الليلة فإنها يعني تكون على شفا يعني جهنم والعياذ بالله، لأنها تكون قد ماتت على كبيرة من الكبائر من الذنوب الكبار. Donc je disais qu'il y a même certaines sœurs qui يعني appliquent et pratiquent etc. Mais des fois elles font ceci, elles s'empêchent de leur mari. Je ne sais pas si elles connaissent pas le hadith, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas une femme qui connaît pas le hadith. Mais parce que quand la foi est faible et elle est mince, quand on l'iman n'est pas yani grand, yani on fait cela et on fait plus que cela, et bien sûr les anges elles vont maudire jusqu'au matin. Ça veut dire que si elle meurt la nuit, si elle meurt en pleine nuit, ça veut dire que, comme on dit, elle a déjà jeté un pied en enfer. Il reste seulement le deuxième pied, mais le premier pied elle l'a jeté en enfer. بقي هنا أمر ننبي عليه فيما يخص هذا الحديث. لحظة، ماذا يقول هنا؟ فيه أمر أن ننبي عليه في الحديث، استغفر الله وتوبه. تارة فيه بعض الرجال الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه ينظرون إلى بعض الأمور في التلفزيون وفي الفيديو وفي غير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل وجعلها من الذنوب، من الذنوب الكبيرة. ينظرون إلى مثل الأفلام الجنسية وغيرها، ثم يأتون أزواجهم ليس من باب أنه يريد زوجته، إنها من باب أن يعني شهوته صارت عليه بمشاهدة الجنس والحرام والعياذ بالله، ثم يأتي فيتخذ زوجته، اسمحوا لي على العبارة، يتخذها كمزبلة، مزبلة يرمي فيها يعني ماءه، ويعني والله تعالى أعلم، حتى يعني عقله لا أظن أنه وهو مع زوجته لا أظن أنه يفكر في زوجته، إنما يفكر في المرأة التي كان يرى فيها في التلفزيون أو لا أدري في هذا المكان. هذا أيضا يكون فعل ذنبا كبيرا. لماذا؟ لأنه يأتي زوجته لكن وهو يتصور المرأة التي كان يشاهدها والعياذ بالله، فهذا يأتي بمصيبتين، المصيبة الأولى رأى الحرام، والمصيبة الثانية يفعل مع زوجته وهو يفكر في الأولى أنه يفعل معها ما هو يفعل مع زوجته والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي إخواننا وأبناءنا وحتى يعني أخواتنا، لأن أنا أعلم أن حتى بعض النساء ينظرن إلى مثل الأمور مع الأزواج ويقولون الاثنان يقولان يعني هذا يساعد على ماذا؟ على يعني على إثارة الشهوة وعلى كذا، وهذا باب عظيم فتحه الشيطان لهؤلاء الناس حتى ماذا؟ حتى يغضب الله عز وجل، وحتى إذا ما ماتوا على ذنب نسأل الله بذنب كبير نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيهم. J'avais dit, il y a là un petit problème, وهذا بطبيعة الحال كله من عند اليهود. هذا اليهود هم الذين فتحوا هذا الباب وأدخلوه إلى بيوتنا وإلى قلوبنا. J'avais dit qu'il y a un problème, c'est que certains hommes, نسأل الله عز وجل العافية, voient des choses interdites, voient des films obscènes et des films de sexe, etc. Ensuite, quand ils ont les tentations, ils sont excités, ils vont jeter leurs ordures dans leur femme. Pardon de la phrase, mais elle est comme ça. Maintenant qu'il est excité, il n'a plus quoi faire, il a sa femme devant lui, il va jeter ses ordures dans sa femme. Et bien sûr, à 90%, même quand il va envers sa femme, il va faire avec sa femme avec l'idée de faire avec l'autre, celle qu'il était en train de voir, celle dont l'image et la photo est dans son cœur et entre ses yeux. Celui-là, il aura fait deux grandes fautes. La première faute, d'avoir vu le haram, parce que Allah Azza wa Jalla t'a donné des yeux comme amana, responsabilité, pour que tu vois avec tes yeux, tu vois la rue, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois le travail, tu vois les arbres, tu vois les oiseaux. Pas tu vois voir les films de sexe. Et la deuxième chose grave, c'est quand il va vers sa femme, il va avec l'idée qu'il est avec l'autre femme, celle qu'il était en train de voir dans la vidéo ou je ne sais pas où. Et ce sont bien sûr les juifs qui nous ont fait rentrer ça à la maison, ces films là et par malheur, c'est qu'il y a même certains couples, il y a même certains frères et sœurs peut-être, mais des couples, je sais qu'il y en a, les musulmans, il y a même beaucoup qui regardent ensemble, l'homme et la femme, ils disent parce que comme ça on va être excité, on va être etc. et tout ça c'est haram, c'est haram, tout ça, s'il meurt cette nuit-là, ils ont un pied à l'enfer, il reste seulement le deuxième pied. S'il meurt cette nuit-là, les anges vont les maudire toute la nuit jusqu'au matin. Pourquoi? Ils vont voir les choses que Allah Azza wa Jal qu'ils rendent en colère. Allah Azza wa Jal nous a donné des yeux pour voir le halal, nous a donné des oreilles pour écouter le halal, des mains pour toucher le halal, des jambes pour aller aux endroits halal, et tout ça c'est une responsabilité le jour de la résurrection, car nos mains parleront, nos pieds parleront, nos yeux parleront, et ils vont dire ya Allah, toi tu sais que cette personne, les yeux vont dire il me poussait à ce que je vois ceci, je vois le haram, la bouche va dire il m'a poussé à ce que je boive ceci, je dis j'insulte, etc. Tous vont demain yani, témoigner contre nous. Et on va avoir de grands mashakils quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand quelqu'un fait ça avec sa femme, quand il fait avec sa femme, il a des bienfaits. Et quand il fait, bien sûr, avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, bien sûr, c'est un grand péché. Donc même en faisant cela quand on fait cela avec notre femme, on est dans une adoration et Allah Azza wa Jalla te donne des bienfaits. Pourquoi? Parce que même en faisant cela, tu fais quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime, et c'est lui qui t'a dit que t'as permis de faire cela, parce que tu as dit bismillah, tu t'es marié avec bismillah, tu fais ça avec bismillah, et tu n'es pas en train de faire le haram, tu es en train de faire le halal. Allah Azza wa Jalla est content de toi, réjoui de toi, alors que l'autre, comme j'ai dit, il est maudit. Parce que pourquoi? Il regarde avec ses yeux, ensuite il va faire quelque chose avec sa femme, mais en réalité pas avec sa femme, il fait avec celle avec laquelle il était en train de voir le film ou bien je ne sais pas quoi. On ajoute Inch'Allah un hadith et on termine. Je cherche le dernier hadith aussi, il y a là. Je crois que je m'arrête là, j'ai pas trouvé le hadith où il est, parce que je veux pas lire n'importe quel hadith. Je choisis certains hadiths, il y a des hadiths que sont difficiles pour nous. Je choisis les hadiths qui ont rapport avec notre vie et qui ont rapport avec ce qui se passe tous les jours. Donc voilà le dernier hadith qui tombe sous mes yeux. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, si Allah Azza wa Jal met dans ton cœur que tu vas demander par exemple la main d'une fille ou la main d'une femme, ce n'est pas interdit que tu vois en elle ou là tu la regardes. Ce n'est pas interdit que tu la regardes ou bien tu vois, yani tu la vois. Ce n'est pas interdit que tu la vois. ولهذا كما لا يخفى عليكم لهذا فإن العلماء اختلفوا في يعني ماذا يجوز أن ينظر الرجل من المرأة إذا ذهب ليخطبها وفيه تقريبا ثلاثة أقوال يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة فيه قولان طرف ناقض وفيه وسط في قولان طرف ناقض وفيه وسط الطرف ناقض هو قول أحد العلماء الذي قال يجوز أن يرى منها كل شيء سبحان الله العظيم وظن قول ابن حزم يجوز أن يرى منها كل شيء وهذا القول أبعد ما يكون عن الشريعة والقول الثاني بعض نسمعه من كثير من الناس أنها تدخل عليه بالنقاب وبكل شيء لا يرى إلا عينيها سبحان الله العظيم تدخل بالنقاب وبالجلباب ولا يرى شيئا والقول الوسط والذي عليه إن شاء الله المحققون أنه يرى وجهها ويرى كفيها هذا هو الذي يجوز له أن يرى منها إن بعضهم يقول مثلا يجوز أن يرى شعرها وكذا لكن إن شاء الله تعالى ليس فيه دليل على ذلك ليس فيه دليل على أنه يستطيع أن يرى شعرها لماذا؟ لأن لسيما في هذا الوقت أن الناس كثير منهم يعني يختفون وراء الإسلام وكثير منهم حتى باللحية الطويلة وهو ليس بتقي إنما يتلاعب ويلعب فيدخل يرى شعرها ويرى كذا ويرى كذا ثم يذهب يقول لا أنا كنت يعني أمزح فقط يعني يدخل هكذا على البنات أراهن فالأفضل أن تدخل المرأة يعني لا تريه إلا وجهها وكفيها لا تريه إلا وجهها وكفيها لكن يستطيع أن يبعث من يبعث النساء يرينا يبعث أمه وأخته تراها بأكثر من ذلك تراها ترى رجليها ترى يعني رجليها إلى شوية نصف الساق ترى شعرها ترى كذا وتخبره أو يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يختفي في الشارع ولا كذا فإذا استطاع أن ينظر كما قال صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل أما أنه في البيت يعني يرى منها شعرها وكذا فهذا القول والله تعالى أعلم بعيد والله أعلم Donc les ulama sont en divergence sur cela. Certains ont dit qu'il peut tout voir en elle. Bien sûr, ça ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est ni sa femme ni ma mère. Je peux pas voir tout en elle. Ma mère et je peux pas tout voir en elle. Lorsque je suis devenu pubère. Alors comment la fille je la connais pas, je vais la voir rien comme ça dévêtue. Ça c'est impossible. Et certains par exemple disent que tu ne vois rien en elle. Elle rentre avec le niqab sur le visage. Tu ne vois que ses yeux, et peut-être qu'elle rentre aussi avec les gants. Alors, celle-là, je ne sais pas pourquoi je suis rentré la voir. Je suis rentré voir son djilbab et son niqab. Tant que la fille, je ne l'ai jamais vue aller, je n'ai rien vu d'elle. Et le milieu, c'est de dire, comme disent beaucoup de ulama, tu vois seulement son visage ce jour-là, quand tu rentres, et il y a un mahram avec elle, tu vois son visage et tu vois ses mains, et elle s'assoit en face de toi. Puisqu'il y a le mahram, il y a son père ou son frère, vous pouvez parler, tu peux lui poser des questions, elle pose des questions, etc. Et tu peux voir son visage et ses mains. Parce que d'autres ont dit, tu peux voir même ses cheveux. Moi, franchement, je ne connais pas un dalil qui dit que tu peux voir ses cheveux. Surtout qu'en ces temps, yani, l'islam, yani, les musulmans, les vrais pratiquants sont peu. Il y a beaucoup de trafiquants et beaucoup de faux dévots. Beaucoup qui ont une longue barbe mais qui ne pratiquent pas et ça s'est passé dans beaucoup de familles hein. Il rentre avec on croit qu'il a l'idée du mariage, il n'a pas l'idée du mariage. Ensuite quand il la voit et il voit ses cheveux etc, il dit bon ça veut dire elle ne m'a pas plu. Ensuite il va raconter à tous ses amis, j'ai vu la sœur de X, ses cheveux sont je sais pas bouclés, sont frisés, sont etc. Donc l'afdal wallahu ta'ala alam qu'elle ne lui montre que son visage et ses mains. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et j'ai oublié de dire que bien sûr de préférence, il envoie ses maris, pardon, il envoie sa famille, il envoie sa mère, il envoie sa sœur, il envoie sa cousine. Celle-là, elle peut voir ses cheveux, elle peut voir ses jambes, yani, ses demi-jambes, elle peut voir ses bras, elle peut voir son cou. Celle-là, c'est permis. Mais qu'il voit lui, moi, je ne connais pas d'adil qui disent qu'il peut voir ses cheveux, il peut voir autre chose. Wallahu ta'ala alam, subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne l'occasion pour poser vos questions. Inch'Allah ta'ala, dans deux minutes, inch'Allah ta'ala, on commence. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيم كبران تفضل بارك الله فيك. حكيم كبران تفضل. Je demande d'abord que les questions, inshallah ta'ala, aient rapport avec le sujet d'abord. Les questions, je commence par les questions qui ont rapport avec le sujet. حكيم, si ta question a rapport avec le sujet, تفضل, je vais t'enlever le point rouge. Voilà, je t'ai enlevé le point rouge. تفضل بارك الله فيك. Si tu ne parles pas, écris. Si tu ne parles pas, écris. Préférence. Alors attends, Inch'Allah, attends. Inch'Allah ta'ala. Oum Abdallah, si tu as préparé ta question, je vais t'enlever le point rouge. Tu l'affiches, Inch'Allah ta'ala. Voilà, je t'ai enlevé le point rouge. Tu l'affiches, Inch'Allah ta'ala, si elle a rapport avec le sujet. Si elle n'a pas, on passe. Si elle n'est pas en rapport, on passe à Abu Mohamed. Abu Mohamed, le temps que Omar Abdallah écrive sa question, dans ta première question, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut une salle, les chers. نعم ان شاء الله عندي سؤالين بالنسبة للدرس ان شاء الله. تقول اخت عندنا اقابل اخت في الشارع واسلم عليها, هل اصافحها وعندما انتهي الكلام معها هل اصافحها كذلك, لأن بعض الناس يمنعون ذلك. Je répète, quand on rencontre une personne, on lui passe le salam et on peut aussi lui serrer la main. Est-ce que quand on quitte une personne, est-il permis également de serrer la main? Je dis ceci car des personnes interdisent la poignée de main quand on se quitte. سؤال الثاني إن شاء الله بالنسبة للدرس كذلك. تقول أخت يا شيخ, هل تستطيع أن تعيد الحديث الذي يقول أن الرؤيا في آخر الزمن يتحققون, لأنني ما فهمت, هل أستطيع أن أقول أن آخر الزمن يعني قريب جدا والعلامة الصغرى مضوء بفرنسية. Une sœur demande, est-ce que le cheikh peut redire le hadith qui dit qu'à la fin du temps les rêves, les songes se réaliseront? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut dire qu'on approche de la fin des temps car les petits signes sont passés? Barakallahu fik. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne le hadith, bien sûr, il est écrit en arabe. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, إذا اقترب الزمن قال المفسرون يعني إذا دانت الساعة, يعني si la fin du monde يعني s'approche, lorsque la fin du monde s'approche, لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب, le rêve alors du musulman ne pourra pas mentir, يعني ce qu'il verra va s'exaucer. La plupart du temps, ce qu'il verra va s'exaucer. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. Et plus on ne ment pas dans notre vie, dans notre vie, plus on ne ment pas, quand on parle avec les gens, etc., plus nos rêves seront vrais. Bien sûr, on peut dire que ça c'est de min ashraf sa'a sughra, n'am, لأن الحين الرؤى يعني كثيرا ما أصبحت تصدق وهذا دليل على أننا ندنو الحين من ماذا؟ من آخر الزمان، ندنو من الساعة، ونحن يعني قد بدأ يقترب الزمان. إن شاء الله تعالى تكوني فهمتي إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى يوغى أن درس سبيسيالمون sur les songes, inshallah ta'ala, sur le ru'ya. Je ne sais pas, comme j'ai dit, s'il y a une différence entre un rêve et un songe. Je ne sais pas s'il y a une différence. De toute façon, inshallah ta'ala, on dira dos à l'ada. En ce qui concerne la première question, la première question qui avait dit que quand on se rencontre, une sœur rencontre une sœur, et un homme rencontre un homme, de préférence, si on peut, bien sûr, de préférence, je mets ma main dans sa main. Ça c'est de préférence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand deux musulmans se rencontrent, yani homme ou femme, bien sûr, s'il lui fait le musafaha, lui serre la main. Jazakallahu khairan Abdullah, hayakallah, ma shiftekch nta wain rak. Il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quand on se serre la main, les péchés commencent à tomber. Les péchés commencent à tomber des mains jusqu'au moment où l'un de nous retire sa main. Ça veut dire, si on laisse la main comme ça une heure en train de se serrer, les péchés tomberont, a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, comme tombent les feuilles de l'arbre. Jusqu'à ce que l'un de nous retire le premier sa main de la main de l'autre. Ça c'est quand on se rencontre. Quand on veut se séparer, j'ai oublié, il faut que je révise cela, j'ai oublié si c'est permis ou ce n'est pas permis de serrer la main. S'il y a quelque chose qui dit, j'ai oublié s'il y a un hadith par exemple qui dit il ne faut pas serrer la main. Maintenant moi je l'ai noté, Inch'Allah ta'ala il sera pour la prochaine fois. Peut-être Abdullah 15, peut-être tu te rappelles quelque chose sur cela, s'il y a un hadith qui dit, ou là, moi je ne me rappelle rien maintenant d'un hadith qui dit que, par exemple, quand on se sépare, on ne doit pas serrer ou bien on doit serrer. Mais c'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, je laisse à la prochaine fois. Alaykoum salam wa rahmatullah Abdullah. T'fadl le prochain, Inch'Allah ta'ala, c'est qui? Bon, Oum Abdullah, est-ce qu'elle avait posé sa question? Abdullah avait dit que la question avait rapport avec son rapport avec la famille. Moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Si ça a rapport avec la famille, pose-la, Inch'Allah ta'ala. Ici Abdullah 15 dit, moi je sais que quand on se sépare, on se serre pas la main. Il a dit que quand on se sépare, on se serre pas la main. Inch'Allah ta'ala, je chercherai encore plus et je vous donnerai Inch'Allah la prochaine fois yani le hadith et les détails. Bilal Salafi, tfadl pendant que Abdullah Inch'Allah ta'ala pose sa question. Voilà Bilal Salafi. Voilà la question. Su'ali ya Sheikh min fadlik, comment faire face aux proches, certains frères qui font pas la salat et les parents qui acceptent pas notre engagement dans le dîn et qui refusent à chaque fois une discussion sur le dîn ou autre qui est en rapport avec le dîn pour notre jeune âge ou autre et qui pensent qu'on est manipulé par quelque chose de mal pensé pour un autre, etc. Un sujet très important et qui a un poids. Bon, la sœur dit, je répète le problème parce qu'il est important, je le répète. Quand il est important, je le répète. La sœur dit, comment faire face aux proches quand certains frères, par exemple, qui font pas de la salate et les parents qui n'acceptent pas notre engagement dans le din. Nous, on veut devenir pratiquant, etc. Et toujours, ils nous font des problèmes, des entraves, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas ouvrir avec nous une discussion, etc. Et même s'ils commencent à parler, par exemple, du din, etc., ils disent, vous êtes manipulés par les frères musulmans, par les wahhabites, par, etc., etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, la réponse, inshallah ta'ala, est très simple. يقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت. الله عز وجل a dit, toi tiens-toi bien dans ta religion, tiens-toi bien, c'est tout, et tu n'as pas à te faire de mauvais sens pour les autres, tu n'as pas à te faire de mauvais sens pour les autres, comme il a dit الله عز وجل dans un autre verset. Pardon, je pense une seconde à ce verset, comment il dit la yadurrukum ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Musulmans ou musulmans, yani pensez à vous-même, yani essayez d'être pieux, essayez de faire ce que je vous ordonne, et ça vous ne regarde pas ou là ça vous intéresse pas beaucoup les autres qui soient égarés. Maintenant, si c'est le contraire, c'est eux qui pensent que nous on est égarés, etc., nous, alhamdoulilah, on a la foi, on essaie au maximum de faire ce que nous dit Allah Azza wa Jal, de faire la prière à l'heure, de faire le carême, de faire même des nawafil, nafila dans le carême, jeudi, lundi, de faire des prières la nuit, de faire, et les autres, tout ce qu'ils pensent, ou là, ce qu'ils disent, ou là, je me casse même pas la tête. Si je peux, j'ai des preuves et je veux parler, je parle. Si je veux pas, Allah, je les laisse parler. Je les laisse parler du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Je sais que Allah Azza wa Jal, je sais que je suis dans un droit chemin. Au contraire, j'essaie de faire des doua pour eux, de faire des prières. Je me dis dans mon cœur, masakin, ce sont des pauvres, Allah, ce sont des pauvres. Hein, ce sont des pauvres. Moi, une fois, je parlais avec une femme, elle me parlait comme ça dans un salon, une femme, une chrétienne. Elle m'a dit, pourquoi tu es en erreur, etc. Moi, je lui ai répondu par un verset. Je lui ai dit, Allah Azza wa Jalla a dit que certains yani, sont dans l'erreur et prennent le diable comme ennemi, etc. Ils sont dans l'erreur, ils ne savent pas. Alladina, dallah sa'yuhum fil hayat dunya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ensuite, elle m'a dit, ça a rapport avec ce que tu as dit toi. Elle m'a dit, je te donne une preuve que moi je suis dans le vrai et pas toi. Quelle est la preuve? J'ai dit, elle m'a dit, lève seulement maintenant tes deux bras et dis, oh Jésus, aide-moi, et tu vas voir qu'il va faire descendre quelque chose dans ton cœur. Bien sûr, moi j'ai ri, je lui ai dit tout ça, bien sûr, c'est le diable qui te fait dire ça, etc. Quiconque va, yani, peut dire ce que tu dis, etc. Ensuite, elle m'a dit, voilà ce qui a rapport avec ce que te disent tes parents. Elle m'a dit, tu sais ce que je suis en train de faire maintenant? Je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Elle m'a dit, oulala, je suis en train de pleurer et d'essuyer des larmes. J'essuie mes larmes quand je sais que lorsque tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Oulala, elle m'a dit, je suis en train de pleurer. Yani, tu es un pauvre, tu es un miskin, yani, tu vas aller en enfer. Je suis en train de m'essuyer les yeux. Maintenant, eux, tes parents, ils croient que eux, ils sont dans le vrai chemin et toi, tu es dans le faux. Ça rentre dans l'ibtila. Alif la mim, ahasib an nas, an yutraku, an yakulu, amenna, wahum la yuftanun. Allah Azza wa Jalla a dit, vous croyez, oh mes créatures, les musulmans, vous croyez que je vais vous laisser comme ça sans vous tester? Je vous teste avec vos parents, je vous teste avec les responsables, je vous teste avec les voisins, je vous teste avec les gens dans la rue, je vous teste avec la police, je vous teste. Ce sont des tests. Allah Azza wa Jalla, il veut voir de toi, est-ce que tu es une femme, yani, ou là, un homme, yani, qui est sincère, ou là maintenant tu vas écouter quelqu'un, il va dire que tu n'es pas dans le vrai chemin, tu es manipulé, tu vas dire, ah, je crois qu'il a raison, hein, je crois que je vais m'arrêter, moi. Impossible. Wallahi, moi en personne, je vous dis cela, wallah, moi en personne, j'ai eu ce problème avec ma famille quand j'ai commencé, il y a peut-être 20 ou 25 ans, quand j'ai commencé, ou 30 ans, personne ne faisait la prière, sauf moi. Personne ne veut. Pire que cela. Ils se mettaient tous comme ça en groupe et ils disaient, le pauvre, ah, Allah. Ensuite, moi, j'entends quelqu'un parler, il dit, Allah, Inch'Allah, c'est la jeunesse, mais ça va passer. Je sais, ça va passer, il est jeune. miskin, c'est un pauvre celui-là, il est jeune, hein, mais ça va passer, un mois, deux mois, ça va passer, Inch'Allah. Et moi, bien sûr, des prières, des doigts, des kadas, yani, rester sur le chemin, eh bien, Allah Azza wa Jal m'a donné un fadl, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait, tous, il les a fait, il les a rendus pratiquants. Wallahi, tous, ils sont devenus pratiquants. Donc qui me disait c'est un fou, tu es fou, yani, tu es jeune, c'est pas comme ça, c'est pas ça le chemin, etc. Wallah, ils sont tous devenus pratiquants. Pourquoi? Yani, les douas, demander à Allah Azza wa Jal de te raffermir, ton cœur, et tu les laisses parler. Si tu peux parler, alhamdoulilah, tu n'as pas d'ilm, moula, tu te tais, tu laisses parler. Non, tu les laisses parler, tu leur dis, Inch'Allah ta'ala, on se rencontrera yani, demain, on verra qui a raison, dites ce que vous voulez. Et n'oublie pas de faire beaucoup de douas, Inch'Allah ta'ala. فيلور دي دعاء ودي بريير ان شاء الله تعالى سيهديهم. يقول بلال السلام عليكم quand on fait deux rak'at et que l'iqama commence, on doit sortir la prière car elle est annulée. Mais comment sortir la prière? Par la salutation taslim, ou bien on n'a pas besoin de saluer. نعم يقول بلال quand on fait par exemple deux rak'at et on entend l'iqama, on entend le muadhdhin, il dit qad qamat salat, yani il commence l'iqama, hal nakhruj بتحية هل نقول السلام عليكم ونخرج أم نخرج مباشرة لأن الصلاة باطلة؟ bien sûr les ulama ont divergé sur cela en deux grands, je sais pas comment on dit, madhhaban. Les premiers ont dit ils ont dit c'est pas la peine de dire salam alaykum, pourquoi? Parce que le prophète a dit, si l'iqama commence, la salat, il n'y a pas de salat, donc votre salat est annulée. Il y a une salat ou batila, ou il y a une salat batila, et puisque ta salat est annulée, tu n'as pas la peine de dire salam alaikum. Pourquoi? Car ta salat est batila. Voilà le premier groupe des ulama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dès que tu entends salat, qatram salat, tu sors, ta salat est annulée. C'est comme si quelque chose, par exemple, est sorti de toi. Khalas, c'est pas la peine de dire salam alaikum, ta salat est annulée. D'autres ont dit, non, ils ont dit, tu dis salam alaikum et tu sors. Et le deuxième madhabala, je l'ai lu plusieurs fois, chez un frère, un talib ilm très fort en Algérie qui s'appelle Dr Ferkous, il a dit, non, quand tu sors, tu dis salam alaikum. Il a ramené un hadith où il y a une version qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un en train de faire le fajr avec le sabh, il lui a dit, quoi, tu fais quatre fois la prière du sobh? Il a dit, il est sorti en disant salam alaikum. Donc il y a cette version de ce sahabi que lorsqu'il est sorti de sa salat, il a dit salam alaikum. Et toi, Inch'Allah, si tu fais cela ou tu fais l'autre, Inch'Allah ta'ala, les deux sont valables. Et même si tu dis salam alaikum, tu veux prendre avec le madhab qui dit salam alaikum, c'est pas la peine, bien sûr, de tourner à droite et à gauche et de dire salam alaikum salam. Tu fais seulement avec tes lèvres, sans tourner. Tu bouges tes lèvres en disant salam alaikum et tu rentres dans la salat. Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Oum Abdel Malik, je t'enlève le rouge. Il a un des soual, tu le poses. Il a un des soual, tu l'écris, Inch'Allah ta'ala. Fika barakallah, Bilal Salafi. Oum Abdel Malik, Inch'Allah, je t'ai enlevé le rouge. Si tu as à écrire quelque chose, tu l'écris, Inch'Allah ta'ala. Hakim, je ne sais pas s'il a posé sa question, il n'a pas encore posé. Abu Talib me dit qu'il y a un frère qui demande si je lui réponds dans une salle privée. Je lui dis, je peux te répondre, mais quand je termine le dars, Inch'Allah ta'ala, pas maintenant. Fadal. Hakim, si tu as écrit ta question, Inch'Allah, si tu es là, tu l'écris. Oum Abdel Malik, si tu écris ta question, moi je l'attends. Oum Soufiane, si tu as une question, tu l'écris, Inch'Allah ta'ala. Si tu as une question, tu l'écris, Inch'Allah ta'ala. Abu Mohamed, si tu as une question, commence, Inch'Allah ta'ala, le temps que les autres écrivent. Fadal. يقول حاكم Kabran. Yaqul salamu alaykum. Quel est l'avis le plus fort concernant la salat tisbih? Vous devez tous savoir, wa la yakhfa alaykum, anna salat tisbih fiha khilaf kabir bayn ulama. بين من يقول هي ثابتة بأحاديث صحيحة وبين يعني طرف ناقل بين من يقول لا تثبت وأن الأحاديث كلها فيها موضوعة وفي في الوسط من يقول أحاديثها حسنة. Donc quand il y a une divergence comme celle-là, الله عز وجل dit اسألوها الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر cette مسألة est basée sur le hadith. Si le hadith est vrai, c'est qu'elle est vraie. Si le hadith n'est pas vrai, elle n'est pas vraie. Et toi, tu dois sûrement savoir que Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, que c'est un spécialiste dans le hadith et qu'il a passé plus de 40 ans ou la 45 ans ou la plus dans le hadith. Et alors lui, inshallah ta'ala, il a dit le hadith est sahih et salat tasbih, ça se fait. De toute façon, salat tasbih elle-même, elle dit que ça se fait une fois par an, une fois par mois, une fois. Toi, au moins, fais-la dans ta vie une fois par an. Fais-la une fois dans ta vie, une fois par an, inshallah ta'ala. Et tu auras, inshallah, tu auras terminé ton problème, inshallah ta'ala. Pour le ta'min des alimams, les sœurs aussi peuvent le dire, mais à voix basse, bien sûr. Les sœurs font la prière exactement comme l'a fait l'homme. Ça veut dire qu'elles aussi, elles disent imam, elles disent amin. Et elles ne s'entendent qu'elles-mêmes, yani elles le disent à voix basse, inshallah ta'ala. Fika barakallahu hakim, fika barakallah. Comme Abdel Malik ou Oum Soufiane, où sont les questions? Combien de fois un frère peut voir une sœur lors d'une muqabala avec mahram? Bien sûr, certains disent qu'ils peuvent demander à la sœur de se dévêtir de son voile. Qui permet ça comme savant? Moi, pour l'instant, je n'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu quelqu'un des savants dire qu'elle peut enlever le voile. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit. Peut-être qu'il y en a. Quand je dis que j'ai pas lu ou là, ça veut dire moi j'ai pas lu. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a. Peut-être même c'est sûr qu'il y en a. Mais moi, dont je suis convaincu, c'est qu'elle ne montre pas ses cheveux. Dont je suis convaincu, c'est que elle ne montre pas ses cheveux. Toi, tu m'as demandé qui des savants. Moi, je te dis, je ne connais pas qui. Peut-être que je vais chercher s'il y a quelqu'un ou il y a d'autres qui ont dit elle enlève ce voile. Mais l'essentiel c'est pas qui, l'essentiel c'est quel est leur délil. Ils se sont basés sur quoi? Allah Azza wa Jal, quand il a dit dans Sourate An-Nur, il a dit tous ceux à qui elle peut montrer. Il a dit à son père, à le père de son mari, à ses enfants, à ses frères, les fils de ses frères, les fils de ses sœurs, à ses femmes, à la femme, aux gens qui n'ont pas, aux gens qui ne peuvent pas se marier, etc. ou l'irba. Mais il n'a pas dit que si quelqu'un il n'a pas dit à quelqu'un qui va demander sa main, parce que celui qui va demander la main de la femme, c'est un étranger. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il va rentrer, peut-être il va me voir une fois, je vais plus le voir dans 20 ou 30 ans. Donc je ne sais pas quel est leur délil. Ceux qui ont dit oui, il faut qu'ils disent quel est leur délil. Et puis si elle dévêtit son voile. Bon, il est venu la voir. Ensuite, dans une semaine, il y a le deuxième. Dans une semaine, il y a le troisième. Il y a le cinquième. Donc tout le quartier va la voir. Donc tout le quartier va voir ses cheveux. Tout le quartier va voir ses cheveux. Ensuite, je ne sais pas s'il y a l'un d'eux qui va accepter. Donc moi, je veux dire, si Inch'Allah ta'ala, il y a quelqu'un qui a dit on peut la voir, je veux savoir seulement quel est son délil. Je veux savoir seulement, peut-être qu'il a un délil et moi je ne le sais pas. Peut-être qu'il a un délil, Wallah, sur la tête et les yeux. Sur la tête et les yeux. Est-ce que il y a une autre question? Quelles sont les questions que vous conseillez à une sœur de poser? Quelles sont les questions que vous conseillez à une sœur de poser lors d'une muqabala, inshallah, et quelles conditions une sœur peut-elle mettre dans le contrat, l'entraide entre les époux, etc. Al-Ahsan, Ahsana, Allahu ilayk. Naam, je sais, Abu Muhammad, je sais que ce sont des questions de sœurs. Je sais, inshallah ta'ala. La sœur dit, quelles sont les questions que vous conseillez à une sœur de poser lors d'une muqabala, inshallah, et quelles sont les conditions qu'une sœur peut-elle mettre dans le contrat, etc. jeudi, alhamdoulillah, wa salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je dis que, en principe, ce n'est pas facile. En principe, ce n'est pas facile comme ça, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et à travers quelques questions, on va connaître le fond de son cœur. C'est pourquoi, de préférence, quand une femme veut se marier de préférence, même quand un homme se marie de préférence, que ce soit par l'intermédiaire. Quand c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît une femme, qui sa sœur par exemple, il connaît bien ses qualités, etc. Ou bien un homme qui va ramener un autre homme à, il va ramener un autre frère à une sœur. Il connaît bien ses qualités, il connaît ses défauts, etc. Dans ce cas, c'est beaucoup plus facile que de, pour la première fois, rentrer à quelqu'un et lui parler. Et pour arriver à s'il est sincère ou s'il n'est pas sincère, ou là c'est très difficile. Mais de toute façon, si la sœur, elle est par exemple, si elle est par exemple dans le vrai minhaj, qu'elle est par exemple une salafia par exemple, il lui sera difficile de se marier avec quelqu'un par exemple qui déteste ce chemin par exemple. Il lui sera difficile de par exemple se marier dans quelqu'un qui ne pense pas comme elle, qui ne pense pas comme elle. Il y aura de grands problèmes par la suite. C'est pour ça qu'il est conseillé qu'elle cherche quelqu'un qui a les mêmes idées qu'elle. Les mêmes idées, pas dans la vie, yani, le chemin, le minhaj, pour qu'il soit, par exemple, comme elle. Comme ça, ils n'auront pas beaucoup de problèmes. Les problèmes, bien sûr, il y aura des problèmes, mais ils vont s'amoindrir. Ils ne vont pas être beaucoup. C'est pour ça que si elle, par exemple, elle est salafia, par exemple, elle peut lui poser par exemple certaines questions sur le minhaj, par exemple elle lui parle par exemple des grands ulama, qu'est-ce que tu penses par exemple, est-ce que tu lis quel genre de livre lis-tu par exemple, qu'est-ce que tu penses par exemple de ceux qui disent on commence par la politique, ou est-ce que par exemple on commence par la aqida ou bien on commence par la politique par exemple, qu'est-ce que tu penses par exemple toi par exemple tu penches à quel groupe par exemple tu penches, tu es musulman c'est tout, là tu penches par exemple au groupe de salafistes, ikhwanistes, tablighi, tu es quoi exactement, etc. Et comme ça bien sûr s'il va lui répondre, yani, il ne va pas mentir. C'est pour ça que j'ai dit de préférence quand il y a un intermédiaire c'est mieux, et si c'est comme ça yani, c'est un peu bien sûr difficile, mais il faut yani, qu'elle pose quelques questions. S'il ne lui ment pas, il faut qu'elle pose quelques questions sur la aqida et sur le minhaj pour savoir quel est yani son minhaj là. Quel est son minhaj. Sinon, elle peut rentrer yani, dans de gros problèmes par la suite. Ensuite, en ce qui concerne les conditions, hada, bien sûr, ça revient à elle. Je ne sais pas exactement ce que yani, elle peut poser comme. Ça dépend d'elle et ça dépend du bonhomme là. Ça dépend d'elle et ça dépend du bonhomme là. Si par exemple elle a peur, Cheikh Ibn Othaymeen a dit qu'elle peut poser une question, elle peut poser un contrat par exemple par exemple je voudrais par exemple essayer par exemple chez tes parents par exemple, etc. Si elle va vivre avec ses parents, elle sait qu'elle ne peut pas vivre, etc. Ou bien par exemple elle peut dire elle peut poser dans le contrat par exemple si c'est le genre qui n'accepte pas le deuxième homme, pardon, la deuxième femme, si c'est le genre de femme qui n'accepte pas la deuxième femme, comme sont la plupart des femmes bien sûr, qu'elle pose dans le contrat que je voudrais pas qu'il se remarie avec une deuxième. Ça veut dire que si jamais il se marie avec une deuxième, ça veut dire que le contrat va s'annuler et tu prends tes bagages et tu vas chez tes parents. Car ça devient grave, car c'est posé dans le contrat. Et une chose pareille, Cheikh Ibn Othaymeen et d'autres ont dit il est possible de la mettre dans le contrat, surtout pour les femmes qui sont très jalouses et qui n'aiment pas que leur mari se remarie. L'Ukht Abdelmalek, elle a dit salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. Concernant le toucher du sexe, s'il y a toucher et qu'il y a un obstacle entre la main et le sexe, cela n'enlève pas les ablutions d'après ce que j'ai compris. Mais si cela est fait avec désir et concernant la Cheikh Al-Albani nous a parlé, sur quelle preuve s'appuie-t-il? Shukran Oum Abdel Malik, quand je trouve une sœur qui demande le dalil, ça me fait plaisir. Je dis, Wallah, yani, on a maintenant des femmes yani, qui sont arrivées yani, au stade, alhamdoulilah, de Allah Azza wa Jalla les a guidés au point de demander le dalil, etc. Voilà, c'est quelque chose, inshallah ta'ala, qui fait plaisir. Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Albani s'est basé parce qu'il y a deux hadiths. Il y a un hadith qui dit que quiconque touche son sexe, doit faire les ablutions. Et le hadith deuxième, yani, il y a une sorte de contradiction chez nous, pas dans les hadiths. Que dit le deuxième? Il dit, quelqu'un a touché son sexe, il lui a dit, est-ce que je refais les ablutions? Il lui a dit non. N'est-il pas qu'un membre de toi, ou une, yani, comme ta main, comme ton nez, comme etc. Alors Cheikh Al-Albani a dit, pour joindre entre ces deux hadiths, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, ce n'est qu'un membre de toi, ça veut dire que, surtout pour l'homme, quand il touche cette partie sans désir, ce membre-là, yani, ne fait rien. C'est comme, yani, s'il ne s'était rien passé. Mais quand il touche ce membre-là, le membre de l'homme, il le touche avec désir, il y a bien sûr quelque chose, vous devez savoir, qui se passe. Donc il a dit, voilà une preuve que le toucher avec désir et non pas avec désir, ça donne une différence. Le toucher avec désir, yani, ça donne quelque chose d'autre. Tandis que toucher le sexe de l'homme, quand il le touche sans désir, ça ne donne rien. C'est pour ça qu'il a dit, voilà une preuve que le fait que, yani, il change, etc., c'est la preuve que le toucher avec désir, ça donne un autre chokm. Voilà sur quoi s'est appuyé l'Albani. Bien sûr, il n'y a pas un hadith sahih qui dit avec le désir, mais les ulama, quand ils ont deux hadiths qui font de la contradiction au Agda, yani, on sent qu'ils sont contradictoires, et bien sûr ils ne sont jamais contradictoires. Ce qui vient d'Allah et du prophète n'est jamais contradictoire. Mais chez nous, quand on ne comprend pas les choses, on trouve qu'il y a contradiction. Alors les ulama ont dit, quand on peut joindre entre les deux hadiths, il faut qu'on joigne. Et voilà une façon de joindre, une façon qui est très acceptée et qui est très plausible, inshallah ta'ala. Wallah ta'ala alam. J'attends les autres questions pour ceux qui... Bon, me revient en question dans le fait. Om Sofiane, salam alaikum. Je veux me marier avec un frère. Mon père refuse de le voir sous prétexte qu'il est français. Yani, qui est français? Il est français, le frère. Pourtant, c'est un musulman converti et pratiquant. Mes frères non plus ne veulent pas le voir, ni mes oncles. Que dois-je faire? Barakallahu fik. Bien sûr, c'est quelque chose de difficile. C'est un test. Ça aussi, c'est un test. C'est une épreuve. Je veux me marier avec un frère. Mon père refuse de le voir sous prétexte qu'il est français. Pourtant, c'est un musulman converti et pratiquant. Mes frères non plus ne veulent pas le voir, ni mes oncles. Que dois-je faire, Barclavi? Nos frères et nos pères et nos grands-pères, ma'al asif, croient que le français est là. Même s'il devient pratiquant, ou là, il devient musulman et pratiquant, il va aller en enfer. Voilà ce que croient nos pères et nos grands-pères, par malheur. Même, je suis sûr que nos grands-pères, par exemple, si tu lui dis, voilà, celui-là, c'est un juif, il est devenu musulman, il va dire, ah, Audo Billah, un juif, il devient musulman, c'est impossible. Il faut qu'il aille éternellement en enfer. Il ne veut pas comprendre que quand on se repentit, il n'y a ni juif, ni chrétien, ni bouddhiste, ni rien. Il n'y a, bien sûr, mon père ne fait pas la salat. Voilà ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que, voilà, ce frère qui s'est présenté est plus pratiquant que ton père qui se dit musulman. Ton père qui se dit musulman, etc., celui-là est plus pratiquant qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti et il est devenu pratiquant, inshallah ta'ala. Toi, ce que tu fais, tu essaies, inshallah ta'ala, de te maintenir dans ce que tu veux, sans oublier d'abord de faire la salat de la consultation, et tu demandes à Allah Azza wa Jal avec une grande sincérité. Si yani, ce mariage, etc., avec ce frère converti, yani, contient le bien de ma vie, de l'au-delà, etc., que tu me l'approches, etc., et s'il contient le mauvais, le mal, etc., que tu l'éloignes de moi, c'est fait. Même si c'est fait, inshallah ta'ala, tu peux refaire. Comme a fait Abdullah ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhu, avant de détruire la Kaaba, il a fait trois fois la salat de la consultation. comme c'est écrit chez Fath al-Bari al-Bukhari. Donc tu peux le refaire lorsque tu sens que tu as du khushu dans ton cœur, etc. Ou bien la nuit, par exemple vers 3 heures du matin, tu peux le faire, etc. Vu que je suis divorcé, dois-je avoir l'accord de mon père? Bien sûr, même divorcé, tu dois avoir l'accord de ton père. Et quand ton père ne veut pas te marier, on descend par exemple à tes frères. Ou bien si tu as un fils, on descend à ton fils directement, il passe avec les frères. S'il est pubère, il a dépassé les 16 ans, il peut lui te faire marier, bien sûr. Sinon, si tous ils sont pas d'accord, les 5 ans, il peut pas. Si tous ils sont pas d'accord pour te marier, et tu as fait l'istikhara, et tu veux par exemple te marier avec lui, tu peux même faire, yani, quand on vit dans un pays musulman, on va au tribunal, et on, yani, et le juge, bien sûr, va nous marier même sans l'accord des parents. Pourquoi? Parce qu'une femme et même un homme en islam, il n'y a pas quelqu'un qui reste comme ça sans mariage, sauf s'il ne veut pas lui. Car rester sans mariage, ça entraîne presque dans tous les cas dans les choses que Allah Azza wa Jal n'aime pas. Donc, bien sûr, avant d'aller au tribunal, etc., parce que ça va nous faire des problèmes avec les parents, etc., on essaye toujours d'avoir l'accord du père, Inch'Allah Ta'ala. Il le faut même s'il ne prie pas. Pour ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière, il est kafir, comme Cheikh Ibn Uthaymin et les autres, dans ce cas, on n'a pas besoin de son accord. Donc toi, si dans ton cœur, tu dis, tu es convaincu que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir, donc l'accord de ton père n'est plus valable. On descend à l'accord des frères, etc. Mais si tu prends des ulamas qui disent, non, c'est un musulman, dans ce cas, il faut lui demander son accord, Inch'Allah Ta'ala. Je sais, l'alcool, ça ne le fait pas sortir de l'islam. L'alcool, ça ne le fait pas sortir. Je sais, rien ne différencie d'un kafir. Je sais, je comprends à peu près comment il vit celui-là. Il n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'islam, peut-être chez lui, c'est le non seulement. S'il dit Shahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est déjà quelque chose. Je sais à peu près comment qu'il vit celui-là. Oui, il vit juste le Ramadan, je sais. Et au lieu d'aller à la Mecque, il va dire je préfère aller à Washington passer la Noël. Je sais ce qu'il va dire celui-là. De toute façon, toi tu fais ce que je te dis, Inch'Allah, en Tunisie. Voilà, il va en Tunisie ou là il va au Liban. Il va au Liban, il trouve là parce qu'il veut. Voilà, tu fais Inch'Allah ce que je t'ai dit, et Inch'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'ouvrira ses portes, et s'il veut Allah Azza wa Jal ce mariage, personne ne pourra l'entraver. Si Allah Azza wa Jal a écrit que tu te maries avec ce bon homme, même si tous les gens de la terre vont s'unir pour essayer que vous ne mariez pas, ils ne pourront pas. Ils ne pourront jamais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un autre hadith ici qui dit que Barakallahu fik, et concernant le fait lorsqu'il y a obstacle après le hadith, juste ça après, je vous embête plus, Inch'Allah. J'ai pas compris. Concernant le fait lorsqu'il y a obstacle d'après le hadith, cela n'annule pas les ablutions, même si avec des airs. Quand il y a obstacle, ça n'annule pas. Quand il y a des vêtements, etc., ça n'annule pas, même avec des airs, parce que tu n'as pas touché la chose. Même s'il a désir, parce que tu n'as pas touché, parce que il y a un obstacle. Quand il y a un obstacle, Inch'Allah Ta'ala, ça n'annule pas, Inch'Allah Ta'ala. Je donne la parole à Hilal 406, Inch'Allah Ta'ala. Je t'ai enlevé le point rouge, je peux poser ta question. Ahsan Allah ilayk al-ukhtum Abdul Malik. Ahsan Allah Hilal dit, assalamu alaikum, je dis, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-il permis de faire une muqabala en présence des parents de la sœur, et du frère, mais tous dans la même pièce? En présence des parents de la sœur, bien sûr, et du frère, mais tous dans la même pièce. Justement, il faut que vous soyez dans la même pièce. Et il n'est pas permis que le frère soit seul avec la sœur. Il faut qu'il y ait quelqu'un, son père, par exemple, assis avec vous, sa mère, au moins sa mère, son frère à elle, et vous vous posez des questions, et vous parlez même une heure, une deux heures, ça n'empêche pas. L'essentiel, c'est que posez le maximum de questions, posez le maximum de questions, parce que peut-être après, vous n'allez pas l'avoir, ou peut-être il n'y aura plus 30 actes. Alors posez le maximum de questions, et ne pas dire après quand tu vas sortir, tu vas dire, oh là, j'avais honte, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Ne va pas dire ça, j'avais honte, oh là, j'ai rien vu, et j'avais honte, etc. Là-bas, il ne faut pas avoir honte. Là-bas, c'est quelque chose qui va durer 40 ou 50 ans de mariage. Alors tu dois bien choisir et bien voir et ouvrir tes yeux afin qu'ils soient comme les phares d'une voiture. Les phares de la voiture. Comme ça, tu ouvres tes yeux. Tu ne vas pas dire après, j'ai rien vu. Hein. Bon, il y a une autre question ici. Une sœur demande, les frères de nos grands-parents font-ils partie de nos mahalim? Si un frère demande le divorce à sa femme alors qu'elle a, c'est monstrueux. Est-ce que le divorce est valide? Une sœur demande, les frères de nos grands-parents font-ils parents de nos mahalim? Si un frère demande le divorce à sa femme alors que c'est Il y a ici deux questions. En ce qui concerne le mahalim, pardon, une seconde. Je suis en train de penser à la question. Les frères de nos grands-parents, mes grands-parents. Est-ce que ça veut dire mes grands-parents? Ça veut dire djeddi. Est-ce que ça veut dire djeddi, mon grand-parent? En arabe, on dit djedd. Est-ce que c'est celui-là le grand-parent, le djedd? Réponds-moi, ensuite je te réponds. Ensuite, quand quelqu'un demande la divorce à la femme, alors que celle-ci a ses menstrues, est-ce que le divorce est valide? En islam, quand on veut divorcer une femme, il ne faut pas qu'on dise qu'on la divorce quand elle est en plein menstrue. Si on fait cela, on a fait un divorce qui est bida, ça s'appelle un divorce bida, mais qui est un divorce qui compte. Voilà, le divorce, quand on le fait et la femme est en menstrue, ça s'appelle un divorce bida, ça veut dire on a un péché parce que on n'a pas fait un divorce sunnah, on a fait un divorce bida, on a un péché, mais ça compte, comme Abdullah ibn Omar, quand il a divorcé sa femme, il était en plein menstrue, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a compté, il a dit, ça compte une fois, donc d'un côté on ne doit pas le faire, et de l'autre, si on le fait, on est énervé, etc., on l'a fait, elle est en plein menstrue, ça compte, c'est pour ça qu'en islam, non seulement elle doit pas être en menstrue, mais encore, si elle est pure, il faut pas qu'on l'ait touchée. Il faut pas qu'il y ait eu contact depuis le jour où elle s'est lavée de ses menstrues. Depuis le jour où la femme se lave de ses menstrues, il faut pas qu'il y ait eu un contact entre l'homme et sa femme pour qu'il puisse la divorcer. Si jamais, par exemple, il a eu un rapport avec elle, ensuite, pendant toute cette période, il n'a pas le droit de la divorcer. C'est-à-dire c'est un péché. Mais si la divorce, ça compte. Quant à la réponse de les frères de nos grands-parents, Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai demain. Inch'Allah Ta'ala. Je t'enlève le point rouge. Si tu as ta question, tu la poses Inch'Allah Ta'ala. Et les autres, Inch'Allah Ta'ala, ils attendent. Je descends, Oum Salama, Mouahid, Ibn Sulayman, Souaylim, Abu Yassin, Fouzi, Abu Zakaria, Abu Atta, Abu Mohamed, Abu Yassin. Bon, le temps que les autres écrivent, Abu Yassin a dit, Salamu alaikum, wa alaikum salam, Ahtla. Hier soir, je t'ai posé une question concernant est-ce que je suis payé par l'État et je peux faire un autre. Non, je me souviens. Tout en sachant que tu m'as répondu que non, mais c'est qui, d'après toi, le savant, qui a fait cette loi 41, me l'a demandé au barakallahu fik. Ça, inshallah, tu es en train de m'entendre. Tous les savants, premièrement, je vais te poser une question à Abou Yassine. Tu me réponds, inshallah ta'ala, j'attends ta réponse. Toi, tu habites, tu es dans un pays musulman ou là tu es dans un pays de kofre? Où est-ce que tu es, barakallahu fik? Tu es dans un pays musulman ou là un pays de kofre? Voilà, Abdel Hakim Emarat, je t'ai enlevé le point rouge. J'ai demandé à Abou Yassine, est-ce qu'il est dans un pays musulman ou bien il est dans un pays de kofre? J'attends qu'il m'écrive ici. Comme salam, Abdel Hakim, t'fadal, je te donne le micro. T'fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah jami'an. Akhir Karim, ismi Abdel Karim, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, écris-moi en PV s'il te plaît, Inch'Allah, pour que tu me donnes ton nom. Parce qu'en fait, le cheikh Abdel Malik Ramdani, parce que le frère Farid, il avait dit donc au frère Amar, donc que tu avais passé le salam au cheikh Abdel Malik. Donc en fait, il connaît un frère au Koweït, et donc il a besoin de ton nom parce qu'il ne voit pas c'est qui exactement. Donc renvoie-moi un PV, donne-moi ton nom inchallah et je lui donnerai inchallah. Jazakallah au khair. Barakallah fik. Naam. Jazakallah au khair. Excuse-moi de vous avoir coupé inchallah. Jazakumullah au khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdel Karim, est-ce que tu m'entends, barakallahu fik? Écris-moi un si tu m'entends. Naam, tu m'entends, ça. Abdel Malik, tu lui dis, en ce qui concerne, il demande la personne qui est au Kuwait, ça. Abdel Malik, yani, alhamdulillah, saut wadih, naam. Tu lui dis Mohamed Chalabi. Tu lui dis Mohamed Chalabi. La fois passée, ça fait, yani, 5 mois ou 6 mois. J'étais avec lui dans sa maison, une Medina, j'étais avec ma femme et mes enfants chez lui. C'est pas quelqu'un qui peut m'oublier. Voilà, c'est pas quelqu'un qui peut m'oublier. On a passé toute notre jeunesse ensemble en Algérie. Ça m'a étonné que tu m'aies dit, yani, il a dit qui c'est ce au Koweït. Naam, jazakallahu khairan. Peut-être qu'il y a d'autres Algériens ici que je connais pas. يا شيخ محمد الشيخ عبد الملك يعرفك وانا كلمته قبل اسبوع. نعم انا يبني مام باسي لا نوي شي مون الجيري يبني مام باسي لا نوي او مو لا نوي شي مون الجيري قلت لك استنامي انتم وعليك وعلي السلام بلغ له السلام اخي عبد الله جزاك الله خير عليك وعلي السلام ان شاء الله تري بيانتو il viendra donner un درس ان شاء الله ici très bientôt ان شاء الله il viendra donner un درس ici ان شاء الله تعالى. Salama, j'attends ta question, inshallah ta'ala. Mouahid, je t'ai enlevé le point rouge avant que, peut-être que tu écris avant que, ou bien tu parles, le temps que Salama, yani, fasse sa question. T'fadal, Mouahid, inshallah, t'fadal. يقول السائل تقول الأخت أم سلمة من المعلوم أن هجران المسلم أخي ثلاثة ليالي غير جائز، فما حكم ما يحصل ما بين الزوج زوجته من هجران، سواء هاجرها لقصد التربية وهاجرها لسبب غير ذلك؟ وسؤال ثاني يقول الله عز وجل وهجروهن في المضاجع، فهل معنى هذا أن يهجرها بعيد عن الفراش أو هجرها مع الفراش فينام معها لكنه يتحدث معها ويهجرها في الجماع؟ أرجو التوضيح. Ensuite, Abd Karim, il dit, mais j'ai quelque chose à te dire. Sans te déranger. Micro, deux secondes. Tfadal, Abd Karim, Emira, tfadal une deuxième fois. Tfadal. Jazakallahu khair. Awalan, déjà, je demande pardon donc, aux autres, Inch'Allah, donc, pour le dérangement, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Abdel Malik Ramdani, il a dit. Si c'est donc le frère Mohamed Al-Shalabi, il a dit c'est le meilleur parmi les gens. Donc yani il a rendu le salam. Donc, Inch'Allah, c'est bien toi, Akhil Karim, qui te repasse le salam. Jazakallahu khair. Et il voit très très très bien qui tu es. Jazakallahu khair. Barakallahu fikoum, wa salam alaykoum. جزاك الله خير وبارك الله فيك واقرئه السلام اقرئه السلام من عندي جزاك الله خيرا وانا اشتافي ديك وستيت انا ميانتي مي كو اون ا باسي بريس نوت جونيس لا دعوه اون الجيري انصومبل اي مانتونو سي كيتي بور يعني بور دي دي, دي كونديسيون ف سي لان دي دي زامي انتيم اي لان دي زامي دي بلو فور كو جو كونيس دون لو منهج دون لو منهج الى عقيده la colonne, comme il dit Abdullah 15, c'est aussi un spécialiste connaît très bien les ikhwa, les anciens, la colonne, naam, Abd Malik avait une mosquée dans la colonne, naam, j'ai oublié le nom de la mosquée, mais c'est à la colonne, je crois que c'est Masjid al-Houda, ou là, je ne sais pas comment il s'appelle, fa jazakum Allah khairan, barakallahu fikum, wa nantaqil ila ma kunna fih, fa qalt salama. أم سلمى تقول أعيد القراءة من معلوم أن هجر المسلم أخي ثلاث ليالي غير جائز فما حكم ما يحصل ما بين زوج زوجته من هجران فيما يخص الأم سلمى tu m'as écrit en arabe je crois que je te réponds en arabe tu m'as écrit en arabe je crois que tu veux que ta réponse soit en arabe d'ailleurs dis-moi écris-moi AR ou FR يعني, afin que je te réponde ou bien en arabe ou bien en français écris-moi AR ou bien FR barakallahu fik. J'attends ton écriture. Tu m'écris AR, je te réponds en arabe. Tu m'écris FR, je te réponds en français. Bil arabiya, naam. Le hadith الذي ورد في النهي عن الهجر أكثر من ثلاث أيام. وتوعد من فعل ذلك بالنار إلى غير ذلك فهذا فيما يخص قال العلماء فيما يخص الذي يهجر من غير سبب شرعي أما إذا كان لسبب شرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك والآخرين هاجرهما 52 يوما وهاجر زوجاته بعض زوجاته شهرا هذا أولا donc le prophète عليه الصلاة والسلام quand il a dit qu'il est interdit aux deux musulmans de ne pas se parler trois jours, ça veut dire, les ulama ont dit, si on ne doit pas dépasser trois jours, s'il n'y a pas une cause religieuse. Mais si c'est à cause d'une cause religieuse, par exemple il a lâché la prière, ou là c'est un grand menteur, ou là, celui-là je peux ne pas lui parler 10 jours, 20 jours, 25, 30, 40, jusqu'à ce qu'il revienne vers le chemin. Si je sais que le fait de m'éloigner va le revenir dans le chemin. Sinon, je suis en train de perdre mon temps. À quoi ça sert de faire de Nahajro? C'est pour ça que le prophète a fait la Hajar Ba'da Azwajihi Shahran, un mois. Une fois, il s'est éloigné de ses femmes. Sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé un mois. Et le prophète a fait la Hajara, yani il s'est éloigné de certains compagnons 52 jours. C'est dans le Bukhari et les autres livres. Donc, on ne peut pas dépasser trois jours. Et c'est interdit s'il n'y a pas de cause. S'il y a une cause religieuse, je peux ne pas parler avec quelqu'un un mois ou plus jusqu'à ce qu'il lâche le péché, il s'éloigne du péché, par exemple, le grand péché qu'il est en train de faire. لأن ما زال سؤال طويلا وهجرون في المضاجع هل معنى أن يهجر بعيد عن الفراش وهجر مع الفراش بينما نعم كما قلت الأكثر وإن شاء الله تعالى هذا الأحق والأصح أن يتقيد بالفراش لأنه قال وهجرهن في المضاجع يعني الأفضل أن يكون دائما في الفراش ولكن كما قلت أنت يعني يهجرها عن ذلك الشيء الذي تعتز هي به وهو الجماع فيهجرها عن ذلك الشيء حتى متى حتى إن شاء الله تعالى ترجع وتندم وليس المقصود بالهجران أن يخرج من بيت أو يذهب إلى غرفة أخرى والله تعالى أعلم. Ibn Souwaylin, je t'ai enlevé le rouge si tu poses ta question, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues, par exemple. Yaqul Abdelkrim, Allah Azza wa Jalla, comme il est offert, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, les salihats, آمين يا رب العالمين. ابن سليمان يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته عند من يأخذ بمذهب الألباني. Sur le fait de bouger le doigt pendant le tashahhud, certains savants voient que ce n'est pas légiféré de bouger le doigt. Exemple, Cheikh Mouqbel, peux-tu nous expliquer le khilaf أحسن الله إليك. J'ai pas compris. Salma Barakallahu Fiki Aydan Anti. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire en français légiféré. Ibn Souwaylim, est-ce que tu peux m'écrire qu'est-ce que ça veut dire légiféré? J'ai pas compris en français ce que ça veut dire. Ah, obligé, autorisé. Mouahid, j'ai sauté mon tour. Ça veut dire quoi, Had Soual? Sur le fait de bouger le doigt pendant sa séance, ça me voit que ce n'est pas obligé. Yani, ce n'est pas obligé de bouger le droit. Par exemple, Cheikh Mouqbel a dit ce n'est pas obligé. Tu dois savoir, Ibn Souwaylim, que l'essentiel, c'est de dire Shadon la Tahiyatul la Zakir, voilà ce qui est obligé. Mais faire bouger le droit, c'est le doigt, c'est une sunna. Voilà ce que Cheikh Mouqbel, je crois qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, yani, c'est une sunna. Si tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Mais le fait de dire Tahiyatullah, Zakullah, Tayyibat, Salatullah, Salamu ala Nabi, Rahmatullah, voilà ce qui est obligé. Mais de préférence, bien sûr, on bouge le doigt. Parce que certains qui ont dit on bouge pas le doigt, ils ont dit que les hadiths qui disent qu'il faut bouger le doigt sont faibles. Mais la vérité, c'est que ces hadiths sont forts et sont authentiques. Et que la sunna, c'est que tu bouges ton doigt. Tu diriges ton doigt vers la Qibla, mais seulement tu le bouges un peu, yani pas trop fort comme font certains gens, et tu ne fais pas un tour avec ton doigt comme font certains. Ils font un tour comme ça, un tour de droite. Non, seulement de bas en haut, tu le bouges un peu de bas en haut. Tu bouges un peu de bas en haut, c'est ça la sunna, et tu regardes à ton doigt et tu bouges un peu de bas en haut, inshallah ta'ala. Abu Talib dit, il y a Sheima qui attend la réponse à sa question. Ana wallahi. D'abord, je vais voir si Umshima est ici. Umshima, elle est là. Wallahi, moi, j'ai dit que le problème yani, était un peu difficile et que je ne voulais pas prendre la responsabilité. C'est pour ça que j'ai fait passer la question à quelqu'un qui allait demander aux grands ulama leurs avis. Et moi, j'avais cru que le bonhomme à qui j'avais demandé l'avis des grands savants, j'avais cru qu'il lui avait répondu. Et ce bonhomme, ça fait à peu près une semaine que je ne l'ai pas encore rencontré. C'est pour ça que j'avais cru qu'il lui avait répondu. Inch'Allah Ta'ala, je vais le contacter pour te donner la réponse le plus vite possible. Inch'Allah Ta'ala. Et si j'avais une réponse, je l'aurais donné, sois-en sûr. épousé 93, je t'ai enlevé le point rouge. Tfadal, barakallahu fik. Donc deux frères se séparent et une bida. Ah, lorsque frère est une bida se serrer la main, lorsque l'on rencontre dans une assemblée, est-ce bida de serrer la main à toutes les personnes de l'assemblée. Lorsque deux frères se séparent, est-il une bida de se serrer la main? Lorsque à cette question, on m'avait pas posé cette question tout à l'heure. J'ai dit que, inchallah, la prochaine fois, je donnerai une réponse parce que j'ai oublié. Ça fait une chose que j'ai lu peut-être, ça fait 20 ou 25 ans. J'ai oublié si c'était une bida ou une sunna. C'est pour ça que je préfère ne pas parler sans être sûr. Mais, lorsqu'on rentre dans une assemblée, est-ce une bida de serrer la main à toutes les personnes de l'assemblée? Pardon, il y a quelque chose ici. Abou Abdelhamen, attends une seconde, barakallahu fik. J'étais en train de dire que lorsqu'on rentre dans une assemblée, qu'est-ce que ça veut dire une assemblée? Allez, dans un groupe peut-être, un groupe, est-ce une bida de serrer la main à toutes les personnes de l'assemblée? Je ne sais pas, Yannick, qui a dit que c'est une bida. Moi, j'ai pas. Je ne connais pas quelqu'un qui dit que c'est une bida. Je ne sais pas si tu sais toi que c'est une bida. Moi, je ne sais pas ça. C'est pour ça que je ne peux pas te dire que c'est une bida. Ah, majlis, voilà, majmoua minnas. Cette question aussi, inshallah ta'ala, je te répondrai avec l'autre. Ça veut dire que tu as posé deux questions. Quand on se sépare et quand il y a des gens comme ça et quand on leur serre la main, ces deux choses-là, inshallah ta'ala, Fawzi 93, inshallah ta'ala, dimanche, inshallah ta'ala, tu auras la réponse. Parce qu'il y a des choses auxquelles je dois revenir. J'ai oublié, ça fait longtemps, j'ai pas lu certaines choses, je les ai oubliées. Abdelkrim dit, Timia, dès que tu as terminé ton cours, on parlera en privé, inshallah, barakallahu fikum. Fika barakallah. Abu Zakaria, je t'ai enlevé le point rouge pour poser ta question, inshallah ta'ala. Je t'ai enlevé ton point rouge pour poser ta question ou la prendre le micro, inshallah ta'ala. يقول الأخ عبد الله 15 الشيخ الألباني له شريط لا ينكر في المصافحة لكل أصحاب المجلس لكن دون تكرار السلام لكل واحد منهم. نعم أنا هذا الشريط يعني غاب مني منذ مدة لهذا يعني نسيت بالضبط ماذا فيه نسيت كنت يعني أميل إلى هذا القول لكن ما أريد أن أتكلم دون أن أتحقق. عبد الله كنز ديك الشيخ الألباني لا شريط comment on dit charrette en français là, une cassette dans laquelle il dit que ce n'est pas interdit de serrer la main à tout le monde. Ce n'est pas interdit de serrer la main à tout le monde. Lakin duna takrar salam li kulli wahed. Mais il dit que sans que yani on dise à toutes les personnes salam alaikum, ça, il dit non, ça se fait pas. Yani on dit salam alaikum en général, mais si tu serres la main, tu la serres à tout le monde. C'est que Abdullah Khan, il dit que voilà ce qu'il a entendu Cheikh Al-Albani dire. Mais moi, inshallah ta'ala, pour être plus sûr, inshallah ta'ala, le dimanche prochain, inshallah, je vous donnerai la réponse, inshallah, pour être plus sûr. Quoique, yani, j'ai une grande confiance en mon frère Abdullah Khan. mais pour être plus sûr, hein, فقط. Bon, Abu Zakaria a dit, salam alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barak. Akhil Karim, je voulais savoir si tu es une bête, un insecte, une araignée chez soi sans raison, juste pour ne pas se déranger, est-ce considéré comme haram? Ensuite, aussi, je voudrais savoir si certains frères autorisent la médisance en prenant comme dalil un soi-disant hadith où le prophète salam, a dit d'une personne qu'elle était mauvaise et que quand elle voyait, il la voyait, il la souriait. Dans un hadith sahih, dans le deuxième chef, ce hadith permet la médisance. Barakallahu fik akhi. En ce qui concerne tuer une bête, toute bête, yani en général, tout insecte, toute bête, en général, voilà la règle, toute bête, tout insecte qui te cause des problèmes, tu peux la tuer. Toute bête, tout insecte qui te cause la problème, qui te cause des problèmes quand on est ici. Par exemple, on n'est pas dans le haram, on est ici. Il y a, tu trouves un insecte qui te pique, tu peux le tuer, une araignée, tu peux la tuer, etc. Mais sans raison apparente, non. Comment sans raison? Par exemple, tu es dans la rue. Il y a une araignée qui marche dans un arbre. Là, ce n'est pas permis. Tu marches dans la rue, il y a une abeille. Tu veux la tuer. Et encore, il y a des hadiths qui disent, surtout on tue pas l'abeille, la mouche, on tue pas la grenouille, on tue pas le houdhoud. La fourmi, on la tue pas. Voilà certains animaux qu'il est déconseillé de tuer. Bon, voilà, je vais donner une autre règle. Les animaux, là, les insectes, ça se divise en trois. Il y a certains qu'il est déconseillé de tuer, sauf avec raison. Comme la fourmi, comme la grenouille, comme le houdhoud, c'est un gros oiseau qui a de la blancheur, il est noir, de la blancheur sous son ventre. Pardon, pas le houdhoud, le sourad ça s'appelle. Ensuite, il y a par exemple l'abeille, la grenouille, tout cela, on ne les tue pas que s'ils nous font quelque chose. Ensuite, il y a le deuxième groupe qu'on peut tuer même s'ils font pas quelque chose. Comme le rat, comme il a cité cinq, comme le, comment ça s'appelle, le haya, hein, le serpent, comme le scorpion, comme il a cité cinq ou six autres, hein, je les ai pas tous dans ma tête. Ceux-là, on peut les tuer même s'ils font rien. Même dans le haram, là-bas, dans le haram, on peut les tuer. Et ça rentre aussi le had'ato. Il y a un grand oiseau qui prend les poules, etc. Celui-là aussi, on peut les tuer. Ensuite, tous les autres animaux, la troisième sorte, c'est les troisièmes animaux, les insectes, qui restent. Ceux dont je n'ai pas nommé, ceux-là, on voit. S'ils nous font du mal, on les tue. S'ils ne font rien, on les laisse. S'ils nous font du mal, on les tue. S'ils ne font rien, on les laisse. Donc en général, tout animal qui nous fait, ou bien insecte qui nous fait du mal, on peut le tuer. En général. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne le hadith, voilà, je vois à peu près le hadith dont tu veux parler, dont il a dit bi'sa akhul ashira, je crois le hadith bi'sa akhul ashira. Ensuite il lui a dit ceci. Ensuite, quand il est rentré, le prophète alayhi sallam lui a ri, etc. Certains donc prennent ce hadith, ils le prennent comme dalil. Pourquoi? Pour faire de la médisance sur les gens. Non, bien sûr que non, on ne doit pas prendre ce hadith pour faire la médisance. Ce hadith, on l'emploie quand on est dans l'obligation. On est dans une obligation, on est avec quelqu'un que si on ne va pas lui rire, etc., il nous va faire du mal, il nous va faire quelque chose, du chantage, ou bien on va essayer de s'éloigner, d'éloigner des problèmes en faisant cela avec lui. Mais ce n'est pas, yani en général, on va prendre ce hadith et on va parler des gens, etc. Non, cela n'est pas permis, Inch'Allah ta'ala. Ce hadith, on le prend quand on est dans un problème, on a des obligations, on est dans l'obligation, on le fait pour s'éloigner des machakils et des problèmes, etc. Mais on ne le prend pas comme dalil pour parler sur les gens en général et rendre cela une règle, alors que ce n'est pas une règle, c'est une exception. On va terminer à Fawzi 93 et Mouahid. Fawzi 93, quelle est ta réponse? بارك الله فيكم شيخ، انا من المصابين يرحل جزاكم الله خير. pas bien compris ce que a dit Abdel Karim. J'ai pas compris. Yaqul Fawzi, lorsque l'on est dans la prière, une personne rentre dans la mosquée et dit salam alaikum. Doit-on faire un signe de la main si elle ne nous voit pas? Jazakallah khairan. En général, le hadith a fait, tu fais un signe de la main, tu lèves ta main comme ça à la droite, parallèle au sol. Cheikh Al-Albani a dit, si tu es dans une position où on ne te voit pas, tu peux au lieu de lever ta main, puisque tu vas la lever dans le vide, il ne va pas te voir. Il dit, tu fais bouger ta tête de haut en bas, si tu sais qu'il est derrière toi et qu'il voit ta tête. Il dit, tu bouges ta tête de haut en bas. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans Sahih al-Bukhari, quand sa sœur Esma est venue la voir et elle était en train de prier, elle lui a dit, yani, qu'est-ce qu'il y a? Je vois beaucoup de gens devant la porte de votre maison. Qu'est-ce qu'il y a? À cause de ce qui s'est passé dans le ciel, il y avait le kousouf. Elle lui a dit, elle est en train de parler avec elle, alors que Aïcha est en train de faire la prière. Hein. Et sa sœur Esma lui parle. Elle lui a dit, il y a des gens devant la porte à cause de quoi? À cause de ce qui s'est passé dans le ciel. On peut bouger la tête, même dans la salat, pour dire que, par exemple, cette chose est ici ou bien cette chose est là, seulement avec la tête. Et aussi le deuxième hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, quand elle était en train de faire la prière, et une voisine lui a apporté un peu de bonbons, etc., de gâteaux. L'autre elle a dit yani, où vais-je mettre cela? Avec la tête, elle lui a montré l'endroit, elle lui a dit avec la tête yani, tu poses par exemple ici à droite. Donc il y a des choses qu'on peut faire dans la salat, inshallah ta'ala. Il reste un quart d'heure et on va terminer inshallah ta'ala. Si le temps que Mohamed, bon, il a écrit salam akhi, le fait de faire salat nafila, salawat nafila, taubarat, c'est à voix haute ou basse, est-ce permis, y a-t-il des adillah, etc. En général, comme a dit Ibn Hazm, il a un livre, il s'appelle Maratib al-Ijma', Cheikh Islam Ibn Taymiyyah l'a haqqaqahu. Et il n'a pas dit que Ibn Hazm a fait une faute ici. Ça veut dire Ibn Taymiyyah, quand il trouve une faute chez Ibn Hazm, il la corrige dans Naqd Maratib al-Ijma'. Donc Ibn Hazm a dit qu'il y a un Ijma', que quand tu fais la nafila, tu es libre. Tu veux faire à voix haute, à voix basse, ça revient à toi, tu es libre. En général, je dis en général, si tu l'as fait la nuit, de préférence tu l'as fait à voix haute pour que tu t'entendes. Tu l'as fait le matin, le jour, de préférence à voix basse. Mais tu es libre, tu veux avoir ta voix basse, c'est un ijma. Il y a un ijma que tu peux faire les deux. Yani comme tu veux, inshallah ta'ala. Pardon, Abou Yassine, je t'ai oublié, je t'ai enlevé le point rouge. Maintenant, si tu veux parler, tfadl, barakallahu fik. Yaqul na'am, n'importe quelle heure. Bon, il y a des prières tu peux faire à n'importe quelle heure, et il y a d'autres prières que tu ne peux pas faire mouahid. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Tu as écrit zéro, est-ce que tu m'entends? Ah, barakallahu fik. Il y a certaines prières qu'on peut faire à n'importe quelle heure. Ce sont les prières qui ont une cause. Comme par exemple, il ne m'entend pas d'un mouahad. Tu ne m'entends pas, mouahad. Si tu m'entends. Bon, il y a certaines prières, ça s'appelle salawat zatul asbab. On va les faire à cause d'une cause. Par exemple, tu as fait les ablutions, tu vas faire deux rak'at. Celle-là, tu l'as fait à n'importe quelle heure, parce que ça a une cause. Tahiyat al-masjid, la prière de la mosquée, les deux rak'at, tu l'as fait à n'importe quelle heure, parce que ça a une cause. L'istikhara, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si c'est quelque chose d'urgent, que tu dois faire urgent, et tu n'as pas de temps, tu l'as fait en n'importe quelle heure, il n'y a pas de problème. Mais il a dit, si tu as beaucoup de temps, de préférence, tu la laisses par exemple au temps où ce n'est pas interdit. Parce que pourquoi ? L'istikhara en général, on a le temps, on laisse pour la nuit ou là. Mais si tu es très précis, tu dois rendre la réponse par exemple maintenant, et que tu es par exemple dans le Ghouroub Shams, par exemple, il a dit, il n'y a pas de mouchkil, tu l'as fait. Donc les prières, c'est d'après celles qui ont une cause, Zawat al-Asbab, tu les fais à n'importe quelle heure, et les autres prières nafila qui n'ont pas de sabab, de préférence, tu les fais pas lorsqu'il y a le Ghouroub Shams et lorsqu'il y a le lever du soleil. Wallahu ta'ala alam. Abu Yassine, tfadhal. Biniyatina avec Ratiba. Qu'est-ce que tu veux dire, Biniyatina avec Ratiba? Wahid, qu'est-ce que tu veux dire? En même temps, Abou Yassine, écris ta question, Barclaw. J'ai compris ta question. Tu veux dire avec deux Niyas. Naam, deux Niyas. Ratiba ou Touba. Deux Niyas. Tu dois savoir, Inch'Allah Ta'ala, Mouahid, tu dois savoir, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a pas une salat agda spéciale qui s'appelle salat Tawba. Salat Tawba, il y a une différence entre les ulama. Mais Inch'Allah, il y a un hadith qui dit que si quelqu'un fait un péché, etc., qu'il fasse des ablutions, qu'il fasse deux rak'at, Inch'Allah Ta'ala, mais sans que, on est obligé de l'appeler, par exemple, salat Tawba. Mais il y a des choses qu'on peut joindre de niya, il y a des choses qu'on ne joint pas. Par exemple, ratiba avec la prière de la mosquée, par exemple, tu peux la faire. Ratiba avec celle du wudu, par exemple, tu peux la faire. Ratiba avec tu peux la faire, Inch'Allah, comme a dit Cheikh Al-Bezmoul. Reste ratiba et touba, je ne sais pas. Wallahu ta'ala alam. Ratiba et touba, je ne sais pas. والله تعالى أعلم ممكن إن شاء الله تعالى ممكن إن شاء الله تعالى أبو ياسين جاتون توجور تا كيسيون أبو طالب بوز تا كيسيون إن شاء الله تعالى إلى 5 مينوت بوز تا كيسيون إن شاء الله تعالى فيك بارك الله أبو واحد جزاك الله خيرا فيك بارك الله تفضل أبو ياسين ولا أبو طالب موحد آمين جزاك الله خيرا بارك الله je crois que il n'y a personne qui va poser la question. Je crois qu'on a terminé. Il y a une question parce qu'il reste les dernières 5 minutes. Abou Yassine, tu as une question, Inch'Allah Ta'ala? Bon, tu n'as pas de question. Wahid, tu as une dernière question. Quel est le jugement sur l'imam qui dit que la musique c'est makruh? Quel est le jugement sur l'imam qui dit que la musique c'est makruh? Wallahi, on peut pas faire un jugement comme ça, yani en général, parce que celui qui dit ça, ça diffère d'un imam à un autre. Il y a celui qui dit ça parce qu'il a lu, il a été convaincu par cela, il a lu ce qu'a dit par exemple le Ghazali ou l'Al-Qardawi ou là, il a dit voilà, donc moi je suis convaincu que cela. Il y a d'autres, un autre par exemple, qui dit c'est makruh parce qu'il suit les passions et les tentations, il suit ce que lui dit sa tête, et donc et il y a un autre qui dit parce qu'il est djahl, il ne connaît pas les vrais hadiths, et il y a en général on dit que celui qui dit cela, il s'est trompé. Voilà ce qu'on dit. Celui qui dit cela, il s'est trompé. Mais des fois, il peut avoir yani un udr. Il peut avoir un udr. Il s'est dit dans sa tête que le Qaradawi c'est un grand alam. Qaradawi a dit ce n'est pas interdit. Ibn Hazm a dit ce n'est pas interdit. Moi, je vois pas pourquoi ceux-là vont dire c'est interdit. Voilà ce que le diable va lui dire. Donc, on ne peut pas donner et généraliser hein, et dire que voilà, celui-là c'est un fasiq ou là c'est quelque chose. Mais quand on lui parle et on le dialogue avec lui et on lui donne les hadiths, etc., il ne veut pas reconnaître, ça change. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadl tamallah, je vais t'enlever le point rouge. Tamallah, tfadl barakallahu fik. Tfadl. وعليكم السلام ورحمة الله إذا شئت خذ اللاقط إذا si tu veux tu prends le micro تام الله si c'est plus facile si tu es un coup si c'est plus facile تام الله dit السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته pour l'alcool par des gens qui travaille dans les vignes. Vous voulez savoir ce qu'il en était? Voilà où j'habite, la mosquée a été subventionnée. Je me suis peut-être mal exprimé. Tamallah, j'ai pas compris le rapport entre ceux qui travaillent dans les vignes et la mosquée qui a été subventionnée. J'ai pas compris la relation. Premièrement, السلام عليكم شيخ ابن تيمية هل أنت موجود معنا؟ أبو طالب تلا؟ أبو طالب أسكتشويلا Assalamu alaikum, Abu Talib, on t'entend pas. Le Cheikh n'est pas là pour l'instant. Il a dû avoir un problème électronique. Abu Talib, on t'entend pas quand tu parles. Barakallahu fik. السلام عليكم السلام عليكم أبو طالب إن شاء الله dès que tu branches ton micro je pense qu'on devrait الله أعلم fermer le salon car comme a dit le frère Abdullah 15 il est tard et il est 2h au Koweït Le chef va être fatigué, bidnillah, dès que tu prends le micro, inchallah, ferme le savant, et voilà quoi, parce que ça fait un peu tard. Barakallahu fik. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kifar? Inch'Allah ta'ala. Ah, sur le parto direct. Hein? Je viens juste de rentrer sur la salle. Barakallahu fik. Khalli qu'ils entendent. Khalli qu'ils entendent. Tout le monde est là. Tout le monde va bien, jazakallah khairan, alhamdulillah, barakallah, jazakallah. Fika barakallah, jazakallah khairan. Allah yislam. Inshallah, khalas rani fil pastok. Fika barakallah, wa alaykum salam, jazakallah khair, Allah yhayyik, barakallah fik. Assalamu alaykum wa rahmatullah, parce que. Yani, je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté, je viens de rentrer ou. Parler avec quelqu'un au téléphone en même temps. Tamallah, j'ai pas terminé avec toi, Tamallah. Tu avais posé une question sur ceux qui travaillent, notre imam, c'est haram. Il se rapporte à quoi, c'est haram. Ce qu'il a dit, ce que ton imam a dit, il s'est pas trompé. Naam. Ce que ton imam a dit, il s'est pas trompé. Quand on travaille dans les vignes pour enlever les grappes de raisin, pour que ensuite ces grappes de raisin vont où? Elles vont se transformer en vin. Donc on devient maudit. Pourquoi? Parce que l'Azza wa Jalla a dit: "Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan." La ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Toi, quand tu travailles dans la vigne, si tu sais que ce raisin va aller pour être vendu au souk pour qu'on le mange, c'est permis de travailler dans les vignes. Si tu sais que ce raisin va aller pour devenir du vin, là, il faut pas travailler, et il faut, même si on doit manger de la terre, et ne pas prendre l'argent de ce travail, et parce que, comme j'ai dit, il y a 10 qui sont maudits dans le vin, et entre autres celui qui essore, ou là, tu fais chigolo, ya'sar, ya'd al-khamr, et celui qui enlève le raisin, il fait partie de ceux-là, parce qu'il les aide. Un autre a dit que ces dents, a dit que des dons ont été faits pour la mosquée pour le but de ce travail. Donc ils veulent savoir si ce don est valide. Le travail valide. Cheikh Ben Othaymine a dit tout argent qui vient, même d'un kafir, son argent bien sûr n'est pas halal. Tout argent qui vient pour la mosquée, tu le tiens et tu construis ta mosquée et tu laisses les musulmans, les musulmans profiter de la mosquée, profiter de la salade, profiter des taureaux, etc. Et celui qui a donné l'argent haram, c'est lui qui va payer pour son haram. Cheikh Ibn Othaymine a dit, même le kafir, s'il te donne de l'argent pour la mosquée, tu le prends. Il a dit, seulement dans un cas, tu prends pas du kafir, si c'est que tu sais que il va commencer à, on dit en arabe, Imen, il va dire c'est moi qui ai construit la mosquée aux musulmans, si c'était pas moi ils allaient pas faire la prière, etc. Tu prends pas. Mais si c'est un kafir normal, il te donne de l'argent pour construire, tu construis la mosquée, la même chose. Quelqu'un te donne le haram, tu les prends, tu vas acheter le ciment et tu construis la mosquée. Ensuite lui, il va payer le jour de la résurrection pour avoir fait le haram. Wallahu ta'ala a'lam. For Islam ASG 80, et acheter enlevé le point rouge. Si tu prends le micro, là tu poses la question directement. Et on profite parce que demain, inshallah ta'ala, je travaille pas. On profite alors. Allah yajazik tamallah. Pour l'islam, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Habib indi su'al. Tfadal. Sahibat hadith, ta'allamu lourat. Nasihat hadith, ta'allamu lourat d'Yahoud. Nasihat hadith. تعلموا لغة اليهود يعني كم الحديث يتوقف هنا نصيحة حديث تعلموا لغة اليهود Ce hadith, bien sûr, s'il s'arrête ici, moi je le connais pas et je ne crois pas que ça soit un hadith vrai. Il y a même un hadith dans ce sens aussi qui n'est pas vrai, qui dit que ta'allamu lughat al-kuffar, etc. Man ta'allama lughat qawmin naja min sharrihim. Apprenez la langue des kuffars, etc. Quiconque apprend la langue des kuffars ou bien des yahoud, il va s'éloigner de leurs problèmes. Ce hadith n'est pas vrai, mais n'empêche qu'en islam, on apprend la langue des autres. On apprend la langue des autres, car Allah Azza wa Jalla a dit: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Il y a pas de son à Abu Talib. Tu dis qu'il y a pas de son. Tu crois que les autres entendent? Pour Islam, tu m'entends? Non. Allah Azza wa Jalla a dit: إن في ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وفي حفص في ورش للعالمين وفي حفص للعالمين في حفص للعالمين وفي ورش للعالمين. Donc on doit apprendre la langue des autres. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé à l'un des compagnons les plus proches, je crois Zayd, il a demandé d'apprendre la langue des juifs. Donc nous, plus on apprend les langues, plus on permet à cet islam de se propager et plus on peut connaître les ennemis, ce qu'ils disent sur nous, etc., pour que on s'éloigne de leurs problèmes. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khayran. Abu Yassin 25, tafadhal barakallahu fik. Jazakallahu khayran for islam, barakallahu fik. Abu Yassin, tafadhal, jazakallahu khayran. En même temps, j'enlève Nasruddin 2. Je lui enlève. Peut-être que l'un écrit et l'autre, peut-être qu'il parle au micro pour gagner du temps, inshallah ta'ala. Nasruddin, si tu veux prendre le micro, tu le prends. Si Abou Yassine ne le prend pas. Salam alaikum, ma chère. Vous m'entendez? Salam alaikum. J'ai une question sur la salat jamara. J'habite à côté d'une. Ça a bouillassé, non? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse mon frère, hein. Ça fait à peu près une heure que j'attends mon tour. Barakallahu fik l'akh Mohamed Shrabi. J'ai pas mal de questions pour toi mon frère, barakallahu fik. Si vous m'entendez bien, mettez un 1. Naam. Bon, j'ai 2-3 petites questions à te poser après, barakallahu fik. Mais sinon je vais revenir, tu m'as posé une question tout à l'heure. Il y a à peu près une heure de là, tu m'as dit que c'était dans un, je suis encore parce que j'aurais bien voulu savoir si en fait il y a des fatawis par rapport à la question que je t'avais posée d'un des ulama concernant le fait de que tu as un ojra par rapport à ton travail, mais comme tu es en maladie, tu ne peux pas travailler, en fait tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux faire un petit travail à côté avec un frère pour lui donner un coup de main et te donner quelque chose? Donc tu m'avais dit que c'était non, mais il y a un frère qui m'avait posé la question pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui ramène en fait, un dalil ou quelque chose comme ça. Sinon, la question de ce soir, je voulais te demander, akhi barakallahu fik, est-ce que je peux donner un prénom à un garçon comme Isnad, al-Isnad, yani Isnad. Et l'avant-dernière question, c'est en fait de donner de ses organes. Par exemple, si tu as quelqu'un de ta famille, il est malade et tu peux lui donner quelque chose de toi pour lui, ou bien quelqu'un d'autre fait sabille. Voilà, et après j'ai une dernière question. De travailler, il y a un frère qui voulait savoir, il travaille dans un magasin, et il vend les ordinateurs, les caméscopes, les MP3, appareils photo, ils vendent les assurances. C'est un magasin qui fait tout. Et voulait savoir si les appareils photo. Salam alaikum. Mes frères, je pense que vous m'avez pas entendu à mes questions. Salam alaikum. Dis mes frères. Je dois répéter la question. Ah non. Est-ce que je dois répéter la question, mon frère Ibn Taymiyyah? Non. Bon, je vais commencer par la dernière question. Abou Yassine, je t'ai mis un point rouge juste pour te prendre le micro, pour que tu comprennes. Ensuite, je vais te redonner le micro. Chauf, j'ai compris la première question. J'avais oublié de te répondre. T'as le travail, celle d'hier. Ensuite, la deuxième question, c'est, j'ai compris en ce qui concerne Isned, est-ce qu'on appelle quelqu'un Isned? Tu as dit là, on donne à quelqu'un, lui donne. Là, j'ai pas. Maintenant, je t'enlève le rouge pour que tu prennes le micro, Inch'Allah. Voilà, tu peux prendre deux micros. Barakallahu fik, akhi, jazakallahu khair. Non, je voulais te demander si on peut donner, par exemple, il y a quelqu'un de ma famille qui est malade, et lui donner un de mes organes, ça veut dire il a besoin de quelque chose de moi pour l'enlever de moi et lui donner à elle, par exemple. Ou bien, si il y a un mort et il est décédé, il veut donner ses organes à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était ça ma question. Et la dernière, je pense que tu l'as pas entendue, c'était à quelqu'un qui travaille dans un magasin, télévision, les appareils photo. Et je voulais savoir si c'est jaïs de ce frère-là de travailler dans ce magasin-là ou bien non. Barakallahu fik. Est-ce que tu m'entends, Inch'Allah? Abou Yassine 25, est-ce que tu m'entends? En ce qui concerne la première question, j'avais oublié, tu me l'as posée hier. Ensuite, aujourd'hui, je t'avais posé la question musulman ou la pays de Kof, tu as du pays de Kof. Ensuite, ça s'est déconnecté. Voilà pourquoi je t'ai pas répondu. C'est parce que ça s'était déconnecté. Moi, je te dis, Inch'Allah Ta'ala, que même dans un pays de Kof, quand tu fais avec un kafir, tu fais avec qu'un kafir, tu fais ce qu'on appelle un pacte. Tu fais un pacte, même avec un kafir, tu n'as pas le droit de tromper, tu n'as pas le droit. C'est yani, grave. Avec un kafir aussi, on n'a pas le droit de le tromper tant qu'on n'est pas en guerre, tant que je ne suis pas rentré avec lui en guerre, tant que je vis dans un pays ou là dans son pays et qu'il n'y a pas entre lui et moi une guerre, je n'ai pas le droit de akhda'uhu. يعني الخدعة أخدعه. وفي أحاديث أن يعني لكل من فعل ذلك يسمى غادرا وله لواء يوم القيامة يكون عند إسته. حتى الكافر le كافر الله عز وجل nous a dit qu'on doit marcher juste avec lui, on doit pas le trahir. نقصت إليه ونبره كما في الآية, tant qu'il n'y a pas entre lui et moi la guerre. Donc celui qui dira que tu peux le tromper, tu fais avec lui un pacte que tu travailles pas, tu es malade, il te donne de l'argent, ensuite tu le trahis, je sais pas comment on dit, tu vas travailler en cachette, etc. Tout ça, ce n'est pas interdit en islam parce que ça donne une mauvaise une mauvaise réputation de l'islam. On va dire, etc., ceci, cela. Il y a un verset qui dit que quand on n'est pas en guerre avec un kafir, si on fait avec lui des pactes, etc., on ne doit pas les transgresser. On doit marcher juste, premièrement. En ce qui concerne Isned, moi je ne sais pas pourquoi je te dis ma tête. Si c'est juste, c'est Allah qui m'a guidé. Si c'est faux, c'est moi qui me suis trompé. Isned, ça me paraît beaucoup plus féminin que masculin. Ça me paraît que c'est beaucoup plus une fille qu'un garçon. Mais moi je te dis de préférence, même question de nom, préférence Allah, yani on fait des adorations. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que les meilleurs noms que Allah azza wa jalla aime, c'est Abdullah ou Abdurrahman? Normalement, chaque musulman, son premier fils, il l'appelle ou bien Abdullah ou bien Abdurrahman. Yani, il fait comme le prophète alayhi sallam lui a dit, lui a guidé, il lui a montré. N'empêche que tu peux appeler par exemple le prophète alayhi sallam, il a appelé son fils Ibrahim. On lui a ramené aussi un petit garçon. Il a appelé Ibn Moussa al-Ash'ari. Je sais pas comment qu'il a appelé, j'ai oublié. Donc il est permis d'appeler d'autres noms, mais de préférence au moins le premier on l'appelle Abdullah ou Abdurrahman, au moins le premier. Ensuite ce n'est pas mouchkila si on l'appelle comme on l'appelle maintenant Isnad, etc. Et n'oublie pas que de préférence on choisit pas les noms qui font de la tazkiya, Taqiyuddin, Nasruddin, qui montre que par exemple on est taqi, etc. De préférence on se nomme les noms les plus simples et ceux qui sont yani, dans le din de préférence, etc. Et de préférence aussi on ne nomme pas nos enfants avec des noms avec lesquels plus tard yani, ils vont rire d'eux, etc. En cherchant ça des noms qui sont drôles et bizarres, ensuite tous les gens vont leur dire des noms qui ne sont pas connus dans notre société. C'est un peu difficile pour les autres qui les acceptent. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne les organes, c'est un peu, ça demande un peu plus de détails. En général, quand quelqu'un donne des organes, à un autre, il faut premièrement que lui, il n'ait pas besoin de ses organes. Il ne peut pas donner quelque chose dont il a besoin. Il peut pas donner par exemple son cœur. Il peut donner par exemple un œil parce qu'il a le deuxième. Mais il ne peut pas donner un organe s'il a un seul organe. Ensuite, même s'il a deux yeux, il va donner un œil, ou il a deux reins, il va donner un rein. C'est conditionné qu'il ne va pas lui tomber malade. Mais s'il donne pour que lui il tombe malade, il va mourir. Ça, c'est interdit. Troisièmement, il n'a pas le droit de vendre parce que ça se vend pas. Mais l'autre qui a besoin de cet organe, s'il est dans l'obligation d'acheter, il peut. L'autre, il ne vend pas, il n'a pas le droit de vendre. Mais si l'autre qui a besoin de l'opération, il ne trouve personne qui lui donne sauf avec de l'argent, il est obligé d'acheter. Les ulama ont dit dans ce cas, il est obligé d'acheter. En ce qui concerne le mort, s'il meurt, ça y est, il est mort, personne n'a le droit de lui enlever un organe, sauf si lui, il a dit quand je meurs, il a fait un testament, quand je meurs, prenez tel ou tel organe. Sinon, personne n'a le droit de prendre, sauf, les ulama ont dit, sauf le gouvernant, ou le gouverneur. Le gouverneur Hada, Wali al-Amr, seul lui, il a le droit de dire prenez de cette personne ou de cette personne telle chose et telle chose. Si, par exemple, il n'a pas d'héritier. Mais si le bonhomme qui est mort, il a d'héritier, personne n'a le droit de lui prendre quelque chose sans l'avis des héritiers ou son avis à lui-même avant de mourir. En ce qui concerne la télévision, la vidéo, etc., toutes ces choses-là, de préférence, un musulman, s'il peut s'en éloigner et ne pas vendre ces choses, qu'il le fasse. Je donne un conseil. Parce que ces choses-là, la plupart, à 95%, ces choses-là sont employées de nos jours pour faire des péchés. À 95%, quand tu vends le téléviseur, qui va le prendre? Il va le prendre quelqu'un à 95% pour voir des femmes et voir des vidéos et voir du sexe et voir etc. 95%. Les gens n'ont pas beaucoup de dîn, n'ont pas beaucoup de foi, leur foi est très faible, etc. De préférence, ne sois pas la cause, toi, ne sois pas la cause pour vendre des choses qui vont yani, mettre Allah Azzawajal en colère. C'est licite de donner cet organe quand on meurt. C'est licite. Avant de mourir, tu dis par exemple, je donne mon cœur à X ou bien à Y sans le vendre. Inch'Allah ta'ala, c'est licite parce que tu vas mourir. Il vaut mieux que tu laisses un autre profiter. Comme a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع أن يفعل أخاه فليفعل. Et c'est les grands ulama, bien sûr, qui l'ajnat fatwa al-ulama, qui ont répondu de ça, inshallah ta'ala, ou ma'ada, wallahu ta'ala a'lam. Nasreddin, je ne sais pas si tu as déjà parlé ou tu n'as pas parlé. Quelle est ta question, Nasreddin? Abu Talib, qu'est-ce que tu as à dire? Poser, toi aussi tu n'as pas le point rouge, tu peux poser la question, pose. Tamla, tu viens de poser ta question. L'ankabout, tu t'enlèves le point rouge. Oum Abdallah, tu peux poser ta question. Oum Zakaria, je t'enlève le point rouge. Celui qui veut poser comme ça la question, je la vois devant moi, mais yani, je lis une par une. Bon, où je peux avoir la fatwa en arabe? Ah, bien sûr. Tu peux la voir dans un livre. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est écrit 1 si vous m'entendez? Ah oui. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, juste pour vous dire que patientez, Inch'Allah, un petit moment, le temps que le chir revienne. On essaie, Inch'Allah, de faire de notre maximum pour qu'il revienne dans les délais, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Tamallah, c'est toi qui as posé la question, t'as les organes, oui. Chauffe, tu m'avais dit où ça se trouve, ta fatwa, ça? Ça se trouve dans quelque chose qui s'appelle, tu veux écrire, tu veux, ça s'appelle Majillat al-Buhuth al-Fiqhiyya al-Mu'asira. Je crois que ça se vend en Arabie Saoudite, hadi, je crois. C'est sûr, mais je crois que ça se... Peut-être. Sur le net, je ne peux pas l'avoir, c'est pour... Wallah, peut-être tu peux l'avoir. Peut-être, hein, il faut chercher. Tu trouves sur Google, tu écris Majillat al-Buhuth al-Fiqhiyya. Je crois que ça existe. Si tu la trouves, si tu la trouves sur le net, tu cherches Sana al-Oula, l'adad al-Thalath. Sana al-Oula, le numéro 3. Parce qu'il y a des numéros 3, 4, 5, 6. Il y a les années. Première année, numéro 3. Première année, numéro 3, Inch'Allah ta'ala. Avant de passer aux autres, je chauffe Nasreddin de Hadi. J'habite à côté d'une mosquée de Tabligh. Il retarde beaucoup la prière du Fajr, 1h30, et la prière du Asr, 2h15. Est-ce que je dois la faire avec eux ou seul chez moi à l'heure? Autre question, peut-on aller à la mosquée après avoir mangé de l'oignon cru? Sinon, quels sont les délais? Jazakallahu khairan. Et de préférence, on doit faire la prière. Yani à l'heure, même si c'est à la maison, et faire la deuxième avec eux, nafila. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas en France quand tu dis la prière du Fajr, 1h30. Je ne sais pas yani, à quelle heure c'est le Fajr et est-ce que après 1h30, est-ce que le temps est sorti ou là il n'est pas sorti. Ça, il faut être là-bas pour que je le comprenne. Mais je te donne un conseil, si tu es sûr que c'est trop tard, que par exemple le soleil va se lever, etc. Ça, tu dois la faire à la maison à l'heure. Tu dois faire à la maison à l'heure. Si tu es sûr que après 1h30, le soleil va se lever, etc. Et l'akh Abdullah Ken, je crois que lui aussi il est en Angleterre et peut-être que il connaît cette question mieux que moi. S'il est là, attends voir s'il est là. Abdullah Ken, je crois qu'il est sorti. Ensuite, pour ce qui est de l'oignon cru, on peut pas le manger quand on sait qu'on va aller à la mosquée. On peut pas le manger. Dès qu'on sait qu'on va aller à la mosquée dans un quart d'heure, dans 10 minutes, dans une demi-heure, on ne doit pas le manger. On attend qu'on parte à la mosquée. Quand on revient, on le mange. Maintenant, si tu sais que après l'avoir mangé, tu es sûr de manger quelque chose qui va enlever l'autre, d'accord. Ah, ma'anashallah. Mais la plupart du temps, ça s'enlève pas. La plupart du temps, quand on le mange, ça va pas s'enlever facilement. La plupart du temps, on doit avoir, on doit faire beaucoup de choses pour l'enlever. La plupart du temps, je crois que c'est difficile pour l'enlever. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne la question d'Abu Yassine, est-ce que les escargots sont halal ou haram à manger? Inch'Allah ta'ala, tu peux les manger. Inch'Allah ta'ala, tu peux les manger. Ils sont halal, Inch'Allah ta'ala. Oui, ça, Ibn Hazm a interdit cela, tu as raison, mais Inch'Allah ta'ala, d'autres ulama ont dit qu'on peut manger les escargots, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, est-ce que manger les escargots c'est halal? Bon, ça je l'ai déjà dit. Abou Talib, tu as dit une fois sur Fawzan, je ne sais pas ce qu'il a dit sur les escargots. Tu as dit aussi quelque chose. Salafi, je t'enlève le point rouge, tu poses ta question, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal, je t'ai enlevé le point rouge. Al-Ankabout a dit, salam alaikum, salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsque nous prions une prière obligatoire et que notre mère nous appelle, que devons-nous faire? Arrêter la prière et lui répondre ou la continuer? Mais le point rouge. Ah, d'accord. Abdullah, je vais, Inch'Allah ta'ala, je vais enlever le point rouge. Mais je vais d'abord chercher où il est.